sans toi à l'aise. Non, non, pour le site de ton. Non, si elle ouvre son cahier, elle a ouvert son cahier, tu ferais bien d'épuiser ta part. Parce que si elle ouvre là, continue. Non, non, elle ne va pas poser plusieurs. Oui. Bon, moi, ma dernière question se porte sur. Donc, c'est comme ça, le Seigneur veut que l'homme aime sa femme et que la femme soit soumise à ce moment-là. Donc, d'où vient alors le problème de l'infidélité dans le couple? C'est parce que dès le départ, il y a eu infidélité. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Dès le départ, depuis le jardin, il y a eu infidélité. Avec Adam et Ève. Oui. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça nous poursuit aujourd'hui? Ça nous poursuit parce que tu es une représentation des femmes, il est une représentation de l'homme. En fait, je comprends bien. Tu ressembles toi, physiquement, tu ressembles à qui? Je ressemble à mon père. À ton père, lui, il ressemblait à qui? Si on monte comme ça, on va rentrer jusqu'à cette génération, les ressemblances ont été projetées jusqu'à toi. Pourquoi pas le péché? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme le péché entré dans le monde, c'est demeuré jusqu'à ce que le problème du péché soit réglé. On ne peut pas faire autrement, d'accord? Mais ce qui est grand, la chose la plus grande dans cela, c'est que le Seigneur a fait une restauration. Que, à partir de cette restauration, on peut vivre maintenant dans la fidélité. Ça veut dire que, voilà pourquoi, tant que quelqu'un est une ancienne nature, à l'ancienne nature, c'est naturel pour lui de vivre dans l'amour. Mais quand tu es une nouvelle créature, ces choses-là dans le passé, tu regardes, tu te rends, tu dis, mais comment j'ai pu vivre comme ça? Ça devient vraiment l'objet de mécontentement par rapport à ta vie passée. En fait, ça veut dire, Dieu a choisi l'église comme le lieu où il va faire briller le reflet de sa volonté. Afin qu'on voit maintenant comment les couples chrétiens. Mais ce qui est malheureux, c'est que c'est le couple chrétien qui donne le mauvais exemple. Comme Lucas dit ici, il y a des divorces au milieu chrétien. Parce qu'on a tissé des alliances, il y a des mariages qui ne viennent pas de Dieu. On se trouve là-bas à l'intérieur, on prie, on dit que Dieu va sanctifier. Imagine une jeune fille va aller sur Internet, elle présente ses seins, elle présente tout pour avoir le blanc. Quand elle a le blanc, elle vient à l'église pour marier à l'église. Elle dit qu'elle fait marier à l'église pour que Dieu sanctifie. Les motivations sont pures. Ce qu'elle recherche, c'est pur. Le pasteur, comme on a donné 100 euros, elle n'a jamais vu une offrande de 100 euros. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, oh Seigneur, c'est toi qui m'as appelé dans le désert, je ne veux même pas te servir. Authentifie ce mariage. Il ne change pas dans tes mariages là-bas en haut. Cette personne se voit monter, descendre, aller en France. Quand elle va passer, parce que le blanc lui-même sait que ce qu'on fait là, c'est le folklore. Il va finir, il va aller là-bas, il dit, maintenant je couche avec mon chien. Je ne savais pas, Seigneur. Je ne savais pas que Dieu m'avait enseigné. Ce n'est pas lui qui est entré là-dedans. Parce que la Bible déclare que lorsque Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement tes propres ennemis à te servir. Et ce que Dieu a donné, qu'il a donné dès le départ, s'il y a n'importe quelle difficulté, il fortifie plutôt. D'accord? Des questions? C'est terminé. Je vais laisser là. Finis ta question. Épuise. Parce qu'il ne faut pas que tu dises comme ça. Non, mais je vais laisser aussi. On ne se trouve pas où, non. Bonsoir, Casablanca. Bonsoir Casablanca. Voilà, allons-y. On prend la question, on prend là-bas. Saki, ça va? Oui, ça va. On prend où là-bas? On prend la question. Courage, d'accord. Tu n'as pas aussi des questions? La question que j'ai, c'est que. Bon. Moi, je suis. Comment dire? Elle est toute simple. Oui. C'est juste pour savoir, pour être rassuré. Oui. On est premièrement cherché le royaume de Dieu. Oui. C'est quoi le royaume? Bon, c'est une très bonne question. Le royaume de Dieu. Plusieurs fois, je me pose cette question. Oui. Je me dis, est-ce que je fais vraiment ce que Dieu veut que je fasse? Oui. Ou est-ce que ça, c'est le royaume de Dieu? Ou c'est de moi-même? Ou c'est comment? Le royaume de Dieu est compliqué. C'est compliqué. Parce que c'était tellement compliqué à expliquer au point où Jésus lui-même restait comme ça. Et comment il va faire comprendre le royaume de Dieu à ces gens-ci? Après, il dit, le royaume de Dieu est semblable à une femme qui a perdu des jugements. Son agent, il a dit à son voisin que viens, entre, cherche avec ma fouille. Quand elle a vu, elle a commencé à être en joie. Il dit, vous avez compris? Il a dit, quoi? Il dit, non, laisse-le, c'est compliqué. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui jette le filet. Après, il avait jeté comme ça. Il dit, quoi? Il dit non, l'autre là, peut-être c'est compliqué. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti pour semer la semence. Tu vois le royaume de Dieu là, non? Donc le royaume de Dieu a plusieurs définitions. Mais en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est. Si tu vas dans un royaume, tu cherches les gens du royaume, tu ne vois pas. Regarde le roi du royaume. Il va t'expliquer son royaume. D'accord? Le roi, parce que là où il y a le roi, là, le royaume se trouve. Là, c'est ce qu'il dit. Ça, c'est simple. Le royaume de Dieu est compliqué. Mais c'est simple comme ça. Là, le royaume est au milieu, là où se trouve. Le royaume se trouve en plein, là où le roi se trouve. Des questions ici? Comme au Maroc. Si le roi se déplace vers Casablanca, le royaume c'est où? S'il va à Fès, ça se trouve où? Des questions? Question. Oui. Est-ce que pour être sauvé, il faut seulement nécessaire de croire que Dieu existe? Que non. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jacques que si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, le démon aussi croit et il tremble. Même les athées qui ne croient pas que Dieu existe croient en réalité que Dieu existe. Ils savent. D'accord? Donc ils savent. Donc la connaissance de l'existence de Dieu n'amène pas le salut. Ce n'est pas la terminologie biblique, ce n'est pas le moyen disposé par Dieu pour croire. D'accord? Voilà. Tu as parlé des athées, maintenant, là, parce que je vais faire un petit témoignage. Oui. Parce que mes ex-patrons qui sont partis avant que je sois malade, oui. Je suis malade, ils étaient des athées. Oui. Et dans c'était des blancs. C'était des oui. Parce que c'est eux qui sont c'est forts là-dedans. C'était vraiment. C'était des athées. Hein. Oui. Le mari me fait vraiment athée. Oui. Mais j'ai compris que c'était des menteurs. Oui. Tout cherche. Ils aspirent le créateur. Mais physiquement, ils manquent. Même leur question. Ils passent le temps à chercher, à se poser la question, mais ils savent qu'il y a un créateur. Ils veulent quelque chose qui va les accrocher. Oui, effectivement, ils savent qu'il y a un créateur. Et dans leurs paroles, dans leurs dits, ils savent, ils disent qu'il y a un être suprême. Et chaque fois, on était toujours dans ça. Ils nous posaient des questions, Elisabeth, comment, parce qu'en fait aussi, je l'ai fatigué. Tous les matins, sa femme se lève et dit, genre, oh, la nature, je suis en train de contempler. Juste pour la nature, c'est qui? Elle me dit, c'est le créateur. Mais après, elle dit qu'elle est athée. Donc les athées sont selon les plus vrais croyants. J'ai compris que, mais attention, les athées, ils savent qu'il y a un Dieu. Parce que quand nous sommes là, ils vont nous dire athées, c'est des menteurs. Ils font des recherches en profondeur. Ils cherchent. Une fois, le temps, il m'a expliqué à sa fille aînée que non, il y a un Dieu qui t'a créé. Avant que tu sois dans le ventre de maman, il y a quelqu'un qui t'a formé. Oui. Parce que la petite était troublée. Chaque fois, elle posait cette question. Elles sont venues, on était en train de partager. Et puis, elle a dit non, il y a un créateur, c'est lui qui nous a créés tous. C'est lui qui nous a créés. C'est là que j'ai compris que les athées, après, il n'y a pas d'athée. Donc, à chaque être humain, le Seigneur a mis la pensée de l'éternité. La pensée, oui. Donc, et chacun essaie de chercher à tâtons. À tâtons. Et j'ai compris que même dans leur recherche, il y a quelque chose. Et Dieu permet, et tous ceux qui sont des enfants de Dieu, c'est pour ça que les enfants de Dieu sortent de toutes les couches. Il y a des gens qui ont été des marabouts, ils deviennent maintenant enfants de Dieu. Dieu a permis dans sa naissance de passer par là pour expliquer ce qui se passe dans ce domaine. Parce que les ténèbres sont de différentes catégories. Il y a des gens qui sont dans le satanisme qui n'ont jamais vu les marabouts. Des gens qui sont chez le satanisme et qui sont plutôt francs-maçons. Dieu permet qu'ils passent là-bas. Après, le jour qu'il le délivre, c'est là qu'il comprend. C'est l'autre aspect du satanisme qu'il va venir dénoncer. C'est comme ça. Mais pour croire. Pour être sauvé, il faut croire au Seigneur Jésus. C'est pour ça que c'est le Seigneur Jésus qui te dérange. C'est-à-dire que quand tu parles n'importe où, si tu parles de Dieu, personne ne te dérange. Parce que tout le monde peut dire Dieu, mais quand tu dis Jésus, ça commence à déranger. J'ai posé cette question parce qu'en fait, il y a l'amalgame dans nos assemblées. Parce qu'en fait, il y a les non-convertis et les convertis qui sont là-dedans. Et ils sont là-dedans. Oui. Et ça fait un peu de l'amalgame. Parce que beaucoup de personnes se disent que quand je vais à l'église, je suis sauvé. Et en fait, il y a ce contexte-là. Je suis sauvé. Et vraiment, c'est un truc vraiment éclairci. Vraiment, apporter un enseignement par rapport à ça. Parce que beaucoup de personnes se disent que quand je vais à l'église, je suis là, je lis la parole. Parce que ça, c'est lire la parole. Oui, voilà. Je suis là, je loue Dieu, je connais Dieu. Oui. Et comme les chansons sont mélancoliques, ça les entraîne comme ça. Ça les entraîne comme ça. Et comment ça, elles apprennent à dire Amen. Amen. Et il faut vraiment apporter vraiment un appui par rapport à ça. Je vais prendre deux versets seulement, on va lire, on va parler. Mais avant ça, je vais parler. Dans les enseignements, j'ai dit plusieurs fois que n'invitez pas les incroyants à l'église. Comme on dit là. Ne les invitez pas, ça va les faire du mal plutôt. Ça va les faire du mal. Ça va arriver au niveau où tu en as expliqué là. C'est-à-dire, lorsqu'il est dans le milieu, il va croire que. Parce qu'il va dire, comme première fois qu'il vient. Première chose, c'est tout ce qu'on dit là, il ne comprend pas, c'est l'observation. Le comportement. Quand on dit lève-moi, elle se lève, elle chante. Quand on dit quelque chose, Amen, elle entend les gens dire Amen. La prochaine fois, quand on veut dire Amen, elle va dire Amen. Petit à petit, si elle voit les gens s'habiller, la prochaine fois, elle s'arrête à s'habiller. Mais Jésus dit qu'on entre dans l'église, dans son église à lui, par la nouvelle naissance. Maintenant, il y a un problème avec la nouvelle naissance. Il faut que ça vienne de Dieu. La nouvelle naissance vient uniquement de Dieu. Pour que ça vienne uniquement de Dieu, il faut qu'un prédicateur ou l'Esprit de Dieu soit envoyé vers cette personne. Et maintenant, pour qu'il soit envoyé vers cette personne-là, il faut que la personne ait été attirée par Dieu. D'où le livre que nous allons lire dans Jean, chapitre 6. Jean, le chapitre 6. C'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de personnes ont des forteresses en Afrique à cause des backgrounds chrétiens qu'ils ont. Vous allez voir que quelqu'un va dire non, depuis, je suis né dans une famille chrétienne. Ça fait 20 ans. Depuis 20 ans, il croit. En fait, la personne, elle se tue à croire qu'elle est chrétienne, alors que depuis, elle n'est pas chrétienne. Mais elle partait dans ces milieux religieux. Elle, tout le champ, elle connaît. Oui. Les versets bibliques connaît, mais en réalité, elle n'est pas. Parce qu'elle était allée par suivisme. Elle n'est pas née de nouveau. Jean chapitre 6. Le verset 40, je vais lire le verset 45. Écoutez très attentivement. Il vient à partir d'abord verset. Oh mon Dieu. Prenons à partir du verset 38, d'accord. 38 à 46 même. Écoutez. Jean chapitre 6, verset 38 à 46. Regardez. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que. Oh, la Bible s'est tellement souligné que. C'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Voici la façon dont on a fait pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit à la vie éternelle. Maintenant, on va se poser la question, ok, nous sommes dans la période où on n'a pas vu. Comment on va le voir? Il faut donc comprendre ce que la Bible est en train de parler par voir et que ce que la Bible appelle par croire. Maintenant, il dit, elle avait été et je le ressusciterai au dernier jour. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Jésus lui répondit, ne murmurez pas en vous-même, entre vous. Nul, voici le problème. Nul, nous sommes au verset 44 maintenant. Nul ne peut venir en moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, la première condition, pour arriver à croire, il faut l'assurance. Il faut le talakou. Verset 45. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Verset 45. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Vous y êtes? Quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Verset 46 enfin. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Vous y êtes? Celui-là a vu le Père. Donc Jésus dit, pour que quelqu'un vienne en lui, il faut que quelque chose soit venu de Dieu se trouvant en lui. Ça veut dire qu'il y a les prérequis pour le salut. Dieu a mis sa puce du salut d'abord dans l'être humain. Il se trouvant dans le péché n'importe comment, quand Dieu commence à appeler, là, il y a la résonance au niveau de cette puce qui est en lui. Maintenant, il faut que la voix sorte dans la voix. Sorte pour toucher exactement ce que Dieu a mis là à l'intérieur. Cette semence prédestinée à l'intérieur de son cœur, que Dieu arrose là. C'est pour ça que tu peux donc vivre dans le péché n'importe comment, mais tu sens dans le péché. Vous êtes deux dans le péché. Quand tu rentres, tu as les remords. Quelqu'un, celui qui là, tu peux même expliquer à l'autre. L'autre dit que, ah, qu'est-ce qui ne te dérange pas? Oh, vous voyez là, n'est-ce pas? Mais toi, tu n'es pas tranquille à l'intérieur. C'est le signe de la présence de cette semence là. Cette voix là à l'intérieur crie que tu n'es pas dans le lieu où tu devrais être. Ça pousse à quoi? À rechercher la voie de sortie. Cette voix à l'intérieur commence à crier, Seigneur, Seigneur, Seigneur, jusqu'à ce que la quantité qu'il veut pour venir à ton secours puisse arriver. Et dans tout cet endroit-là, tout ce temps-là, je passe par n'importe quoi, il a les yeux sur toi. Quand je marche dans les vallées de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Donc, pour que quelqu'un soit sauvé, il faut qu'il ait été prédestiné à cela. C'est la première chose. Dieu le connaît en avance et il est préparé pour cela. Même s'il est au courant ou pas. Le moment arrive, Jésus a dit, j'ai mes brebis. Je connais mes brebis, elles me connaissent. Elles entendront ma voix. Quand le moment arrive, Dieu les fait entrer. Quand Dieu les fait entrer, quand ils se dégagent, ils voient maintenant une lumière au point où leur vie passée devient vraiment de la sale et de la boue pour elles. C'est ce qu'il en est. Donc le salut, donc voilà le processus. On ne devient pas chrétien en allant à l'église. Si mon père était catéchiste, on allait à l'église à 5 heures du matin. on priait, ça ne fera, c'est pas ça. On ne prie pas pour être enfant de Dieu. Non. C'est pas cela. Donc, le salut est accordé par grâce et c'est prédestiné. Oui, c'est bon là. Oui, allez-y jouer les enfants. Là, j'ai une question. Oui. Ici, j'ai été sauvé en allant à l'église et en faisant des bonnes œuvres. Oui. Qu'est-ce que les bonnes œuvres? Oui. Quand quelqu'un dit qu'il a été sauvé en allant en faisant des bonnes œuvres, lisons la Bible. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens le chapitre 2. Tu y es déjà. Oui. Dans ce cas, lis le verset 9. Ok, je vais lire. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Donc on est sauvé par la foi. Le 8. Voilà. Donc, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 6 même jusqu'à 9. Il dit, c'est pas la foi qu'on vous est sauvé. Tu vois, c'est pas la foi qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. C'est la grâce, par grâce qu'on est d'abord sauvé, par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, quelqu'un ne fait pas un effort pour être sauvé. Pour le salut, toute personne qui a jamais été sauvée sur la terre, il n'y a aucune contribution qui vienne de leur volonté. Aucune. Maintenant, lorsqu'on est sauvé, le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc Dieu a préparé les bonnes œuvres qu'on doit faire. Mais ces bonnes œuvres-là ne sont acquiescées par lui que lorsqu'on est déjà en Christ. Donc tout ce que tu fais dès le départ là, c'est pour toi, ta famille et tes enfants et petits-fils. C'est quand tu es en Christ là maintenant que ça entre en compte par rapport à ta marche. Donc il n'y a pas de bonnes œuvres avant le salut. Il y a les bonnes œuvres après le salut. Voilà. Oui. Non, on est là pour ça, ma soeur. On n'a pas besoin des écrits, excusez. Oui. Le péché, c'est pas Dieu et l'homme. Oui. Oui. Oui. Voilà cette question-là. Oui. Est-ce que le péché, c'est pas entraîne la séparation de Dieu avec l'homme? Oui. Voilà. C'est simple, n'est-ce pas? C'est la Bible déclare, appelle le péché manquer le but. Toute iniquité est un péché. Et c'est ça justement. Lisons Esaïe chapitre 59. Esaïe le chapitre 59. Pendant que vous allez trouver, quand Dieu avait demandé à Aaron, à Moïse, de faire le vêtement des sacrificateurs, il y a une bande particulièrement qu'il avait demandé à Moïse de faire, où il devait mettre son visage. Il avait écrit ici. Sur cette bande-là était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Ça veut dire que quand le sacrificateur se trouvait, à distance, on devait voir. Le mot « Sainteté à l'Éternel » voudrait dire que devant lui, il ne doit pas avoir de traces de péché. C'est pour ça que dans la loi, il les a prévus en disant que « Soyez saints parce que je suis saint ». Esaïe 59, verset 1, il souvent dit « Non ». La main de l'Éternel, parce que la question c'est, est-ce que le péché nous sépare de Dieu? Le verset va régler le problème déjà. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. C'est ça, non? Entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous entendre. Donc le verset répond que le péché nous sépare de Dieu. Maintenant, écoutez, je vais dire quelque chose. Le péché nous sépare de Dieu sans que son amour ne s'en sépare. Vous suivez ici? Le péché nous sépare de Dieu sans que son amour ne s'en sépare. L'amour de Dieu est inconditionnel. Le péché empêche seulement qu'il agisse dans notre vie comme il l'aurait voulu agir. D'accord? Mais son amour n'a pas changé. Dieu n'est pas comme... Attends, son enfant, il va tomber. Il n'est pas quand même un être humain qui dit... Ah! Tu m'as tellement déçu. J'ai changé de pensée par rapport à toi. Il ne fait pas comme ça. Dieu, s'il a dit que voici pour toi, tu fais le péché. Parce que quand il a dit voici pour toi, ceci n'est pas conditionné par ce que tu auras fait. C'est conditionné par sa promesse. Parce qu'il a fait la promesse. Vous pouvez lire ça depuis la Genèse. Depuis la Genèse. Quand Dieu a. C'est pour cela que les Juifs, ils font n'importe quoi. Ils font cela. Dieu les aime toujours. Parce que la Bible déclare dans ce même livre d'Isaïe qu'avant de les choisir dans le désert, il savait qu'il était rebelle. Pourtant, les rebelles doivent aller en enfer. Or, Dieu les choisit. Ils sont aimés à cause de leur père. Quand il a choisi Abraham, Abraham n'avait pas fait les œufs. Abraham n'avait pas fait les œufs. Abraham avait des frères et il vivait dans une maison idolâtrie. Son père, il servait d'autres dieux. Il a dit, Abraham, quitte la maison de ton père et va dans un pays où il était envoyé. Quand il dit cela, il ne dit pas cela en fonction du péché d'Abraham ni quoi que ce soit. Il l'a dit parce qu'il a décrété. Donc l'amour de Dieu n'est pas conditionné. Vous voyez cela? Nos actions peuvent nous éloigner de lui et l'empêcher de faire des exactions dans notre vie, mais son amour ne change pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Nos actions peuvent nous éloigner de sa manifestation de notre vie, de sa présence, mais son amour ne change pas. Étant dans son coin. En fait, pourquoi sa présence s'éloigne de nous? Parce que la nature du péché est contraire à sa nature. Parce que sa nature est sainte. D'accord? C'est ça qu'il dit, soyez saint, je suis saint. La Bible donc dit, recherchez la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. D'où la nécessité de vivre dans la sanctification. C'est la sanctification donc qui amène sa présence de plus en plus dans nos vies. D'accord? Comme Hébreux 12 le dit. Alors, voici l'une de ces manifestations de Esaïe 59. Il dit, sa main n'est pas courte pour se venir, se nourrir du pour entendre. Ça veut dire qu'il veut venir pour faire ce que tu as le demande. Peut-être le secours, peut-être donner quelque chose. Mais il y a un mur là-bas. Mais son amour de ce côté-ci est inconditionnel. Dès que ce mur est ôté, il continue avec toi sans reproche. Or, remarquez bien le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 8, si vous lisez votre livre, il y avait une prostituée là-bas. Enfin, c'est une femme mariée qui s'était trouvée en flagrant délit d'adultère. On est venu, on a dit, Seigneur, cette femme a été trouvée en flagrant délit d'adultère. D'après la loi, Moïse a dit de dilapider de telles femmes. Ils avaient partiellement raison par rapport à Deutéronome 22. Jésus s'est baissé là, il était. C'est clair qu'on l'avait trouvée en flagrant délit d'adultère. En Israël, la sentence est claire, lapidation. Le bâton lui demande, qu'est-ce que toi tu dis? Et les gens disaient, ça avait la pierre entre les mains déjà. Parce qu'ils étaient prêts à exécuter. Jésus écrivait au sol. C'est levé, il a dit, parmi vous, celui qui n'a pas commis le péché, jette la première pierre. Parce qu'elle a commis le péché d'adultère. Vous, il y a des menteurs parmi vous, des meurtriers parmi vous, des d'autres personnes qui font parmi vous. Ça veut dire, la personne qui condamne l'adultère, condamne le mensonge, condamne autre chose, pas vrai? Donc ça veut dire que si Dieu voulait lapider, il lapiderait chacun. Vous voyez cela? Mais qu'est-ce qu'il veut prendre pour dire? L'amour du Seigneur Jésus pour cette femme-là n'a pas changé. Malgré elle était coupable. Coupable. Jésus n'a pas parlé de son péché. Quand il a dit comme ça, il a continué à écrire. La Bible déclare c'est rabaissant encore, il continue à écrire. Quand il a écrit, la Bible déclare chacun accusé par sa propre conscience. Parce que chacun, tous étaient coupables là-bas. Tous étaient coupables. Du plus petit jusqu'au plus grand. Chacun avait péché. Chacun balançait la pierre au sol comme ça. Gars, vrai là. Même toi, monsieur, lance la pierre. La malédiction est sur toi. Toi-même, tu as fait quelque chose hier. Ils ont disparu un an. Le Seigneur est resté là-bas. La femme est restée dans la présence de Dieu avec son péché, le poids de son péché sur elle. Elle ne pouvait pas bouger. Quand Jésus n'a pas demandé à quelqu'un de partir, elle est restée là. Jésus est resté là-bas. Chacun est parti un an. Elle est restée. Elle ne pouvait pas bouger parce qu'elle a son poids du péché. Jésus ne lui a pas répondu son péché. Pourquoi tu allais faire ça? Parce que si lui demande pourquoi, il va donner une justification. Mon mari m'a aussi trompé, c'est pour ça qu'il fait la vengeance. Je n'ai pas l'argent à la maison, c'est pour ça qu'il est pris. Donc, pour ne pas avoir cette chose-là, Jésus ne pose pas cette question. Il a dit, t'es exact. Ce passage-là aussi, oui. Ça enseigne aussi beaucoup. Oui. Parce que cette femme, malgré son péché, elle n'a pas quitté Jésus. Elle n'a pas quitté. Voilà la présence de Dieu aussi. Oui. Voilà la présence de Dieu. Oh, le péché est là, la présence de Dieu est là. Mais la présence de Dieu est là. Voilà. Il n'est pas parti. Il n'est pas parti. Voilà. Parce que ça m'a beaucoup interpellé. Voilà. Et voilà, voici donc l'enseignement. L'enseignement, c'est que quand les gens pêchent, oui. Au lieu d'aller dans la présence de Dieu pour qu'il donne sa sainteté, les gens fuient Dieu. Les gens fuient, se culpabilisent. Satan te met dans cet endroit pour bien te traiter. C'est ça que vous voyez, quelqu'un dit que je ne prie plus parce qu'il y a trop péché devant Dieu. Ok, si tu ne pries plus, le péché va être ôté comment? Comment tu vas faire pour te séparer? Parce que même si tu dis 100 ans, tant que ce n'est pas confessé, ça serait que c'est toujours là. Alors l'être humain cherche à faire que sa propre conscience oublie le péché pour qu'il s'excuse lui-même. Il croit que quand il va se finir de s'excuser, il peut maintenant se retrouver à aller prier. Il croit que la situation a changé. Si c'est le mardi 2 septembre 2002, tu viens en 2080, sache que l'étape où tu te trouves devant Dieu, c'est mardi 2 septembre 2002. Il faut que le problème soit résolu. Donc, tu viens devant Dieu, la première chose à faire, c'est que vous prenez l'acte là où vous avez commencé, là où vous avez abandonné, avant d'avancer. Parce que ton oubli, ta tentative d'oubli ou bien d'expiation de péché n'est pas ce que Dieu lui dit. Alors, si on a péché, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on se rapproche plutôt de Dieu, qui sanctifie. Elle est restée là-bas, elle est tenue là-bas debout. Seigneur Jésus a posé la question, où sont tes accusateurs? Ne t'ont-ils pas condamné? Ils n'ont pas condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Donc, ses actes sont pardonnés, n'est-ce pas? Alors, le péché, donc, effectivement, éloigne de Dieu. Mais on ne doit pas rester dans le péché. Lorsqu'on a péché, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux du monde entier. Donc, il a payé même pour le péché du monde entier. Et donc, ça veut dire que nous avons un avocat au cas où il y a des problèmes, il faut qu'on aille vers lui. Mais, subitement, les chrétiens, quand ils ont des difficultés, fuient plutôt le Seigneur. Si on fuit le Seigneur, on est en bon camp avec l'ennemi là maintenant. Question. Il y a aussi une autre question. Pourquoi après la chute de l'homme, oui, Dieu a-t-il interdit aux hommes de s'engager dans le domaine spirituel? Dans ce domaine spirituel, parce qu'en réalité, si tu parles dans le domaine spirituel, étant fauché, sans que ça ne soit conduit par le Saint-Esprit, tu contactes plutôt les démons. C'est pour cela. C'est pour ça qu'il a interdit toutes ces entrées-là. Dieu, le domaine spirituel de Dieu doit être contrôlé par lui. Donc, c'est lui qui doit prendre l'initiative. L'homme ne doit pas prendre l'initiative. Par exemple, il y a le voyage astral que les francs-maçons font. Ils sortent de leur corps, de façon consciente ou inconsciente. Ils sortent, quelqu'un passe dans son chambre, il est dans sa chambre haute. Il passe à s'enfermer, il sort de son corps, il a des techniques pour sortir. Vous regardez le livre d'Ézéchiel, vous voyez que c'est la même chose qui se passe. Mais il y a une différence. C'est que Ézéchiel n'a pas décidé de sortir de son corps. Il s'assoit, Dieu tend la main, il l'enlève depuis sa tête. Vous voyez? Donc Dieu ne veut pas que l'homme qui a chuté, ne maîtrisant pas le domaine spirituel, parce qu'il a perdu la direction qui a été contrôlée par lui, que Dieu puisse. Il veut seulement que c'est Dieu qui puisse l'amener à sortir et visiter. C'est pour ça que le songe, ce n'est pas nous qui devons fabriquer le songe, ni les visions. On ne doit pas contacter les esprits. C'est Dieu qui décide de donner la vision. Il décide de donner la révélation. Il décide de nous faire visiter n'importe quel monde qu'il veut. On ne doit pas sortir. Toute tentative de sortir par soi-même est contrôlée par le diable. Toute. D'accord? Oui. J'ai trois questions. Oui, bombarde mon frère. Question numéro 1. Bon, la première question, c'est par rapport à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Parce que le Seigneur fait sur la croix. Oui. Il dit, bon, déjà dans Isaïe, je suis venu apporter la bonne nouvelle, oui, libérer les captifs, ceux qui sont enchaînés, délivrer des chaînes et tout, oui, ça. Bon, il s'avère que quand on donne sa vie au Seigneur, quand on est né de nouveau, oui, on se rend compte encore que c'était un lien familial que nous avons encore. Le Seigneur nous a brisé ces liens-là. Oui. Comment se fait-il qu'on vit encore cet lien de nos familles alors que nous sommes censés être une nouvelle création, les choses anciennes? Bonne question. Je crois que c'est l'objet de plusieurs enseignements qui ont été sur Bamba Iba. C'est pour cela que je pose la question, es-tu né de nouveau? Vérifiez que vous êtes né de nouveau. Vérifiez que vous êtes chrétien de la bonne façon. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, c'est questionnement. Les derniers en date, je crois qu'on a fait ça à Rabat, à Tanger, briser les malédictions familiales. La question, pourquoi a son sens? La question, pourquoi les liens, les ces choses dont tu as décidé continuent à agir dans nos vies à son sens. Mais la question, pourquoi, constatant cela, ça devait nous poser la question plutôt autrement. Ça devait, c'est la question, pourquoi à son sens. Mais ceci devait nous pousser plutôt à poser cette constatation de cet agissement des mondes spirituels négatifs de nos parents et autres sur nous encore. Alors qu'on est né de nouveau, et même entre guillemets, devait nous pousser à poser la question autrement. Puisque 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ce n'est pas un processus. La nouvelle création n'est pas un processus pour devenir. Quand tu l'es, c'est un état. Puis le travail de la sanctification continue. On appelle donc ça la marche. Dans 2 Corinthiens 11, chapitre 5, verset 17, la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La question c'est, comment devenir vraiment une nouvelle créature? Donc la question, pourquoi ça continue à agir, veut dire implicitement, toi sur qui ça agit, es-tu une nouvelle créature? Parce que si tu es une nouvelle créature, la réponse est, les choses anciennes sont passées. Toutes choses, il a dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc si on est une nouvelle créature, véritablement, pas par confession, pas par pensée, pas sentiment, mais véritablement, réellement, une nouvelle créature, ça n'a plus de sens. Donc en réalité, il y a un problème de ce côté-ci, de la nouvelle créature. Il faut la redéfinition, bien il faut être honnête là-dedans. Oui. Ceux qui sont nés de nouveau, ils ne sont pas censés vivre les liens familiaux. Ça, c'est clair. C'est ce que la Bible enseigne. D'accord. Tous ceux qui vivent ces liens familiaux. Il y a un problème avec la nouvelle naissance. Oui. D'accord. parce que là, moi, la question qui va suivre forcément. C'est lié à ça. Voilà, la question qui suit fatalement, c'est. C'est quoi la nouvelle naissance? Voilà, comment tu définis la nouvelle naissance? Bonne question. Là, c'est quand on parle dans la Bible. Jean chapitre 3. Voici les grandes questions que les chrétiens doivent aborder en cette fin de temps de la séduction où tout le monde dit qu'il est chrétien. Et là, nous attendons l'enlèvement. Tu poses la question à quelqu'un maintenant que si Christ vient aujourd'hui, tu es sûr d'être enlevé. Tu vois, le chrétien regarde d'abord le plafond et réfléchit vrai, et dit non. Mais c'est dangereux. Quand tu as dit non, ça suppose que tu devrais te réveiller. Si tu dis oui, tu dois t'assurer que le oui là est vraiment oui, un vrai oui. N'est-ce pas? Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6. C'est l'histoire de Nicodème qui s'y trouve. Dans cette histoire de Nicodème, Jésus, c'est là où le mot nouvelle naissance commence, que Jésus a dit de façon claire que ne t'étonne pas de ce que Dieu, il faut naître de nouveau. Il a de l'énergie, hein, David, là. Je crois qu'il faut encore 4 comme ça dans la famille, là. Dans Jean chapitre 3, il s'agit de Nicodème, de l'histoire de Nicodème. Nicodème vient de nuit. La Bible déclare que mais il y a un pharisien, le docteur de c'est ça, celui-là. Il vient de nuit pour voir Jésus. Il a rencontré le Seigneur Jésus. Il lui a dit que, maître, nous savons que tu es des dieux, car personne ne peut faire ces choses-là si Dieu n'est avec lui. Jésus n'a pas... laisse mon baby, mon cher. Ce n'est toi qu'on discute. Non, laissez-le. Que Dieu te bénisse. Le Seigneur Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. On l'apprécie par rapport à l'œuvre qu'il fait. Il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Le monsieur, un vieux père, commence à le regarder comme ça, bizarrement, ces soirées-là, dit, mais... Naissez de nouveau. Ouais. Il dit, comment un homme comme moi pourrait si petit, comment je dois faire? Non, mais qu'est-ce, il dit, qu'est-ce que tu veux, André, vous l'a dit? Est-ce que je dois encore rentrer dans le sein de ma mère pour ressortir encore de nouveau? Parce que normalement, avant que Jésus ne parle de cela, personne ne sait que la nouvelle naissance, mais bien que c'est écrit dans la Bible déjà, dans l'Ancien Testament, c'est parlé de cela. Il dit, toi qui es docteur d'Israël, le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là. Il dit qu'il faut que vous, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. N'est-ce pas, frère? Puis Jésus lui explique que ce qui est né de la chair est de la chair. Donc il y a la naissance charnelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme vont. Voilà ça qui pose un problème. C'est même pas s'il y a les stérilets spirituels aussi. Que l'homme et la femme vont, les enfants sortent comme ça. Ça, c'est la naissance naturelle. Mais il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la nouvelle naissance est purement de l'esprit. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, Jacques, chapitre 1. Jacques. Jacques, chapitre 1. Donnez-lui la Bible, il faut qu'il lise. Donc, ça également, ça a été nettoyé par ce open fin. Dans ce Bambéba, vous allez Bambéba, vous allez trouver comment naître de nous. Il y en a tellement de jeunes. Jacques, chapitre 1. Es-tu né de nouveau? Oui, la nouvelle naissance, oui, mais comment? La nouvelle naissance, oui, mais comment? En Côte d'Ivoire, ça s'est encore discuté. Voici un point où les chrétiens devraient s'accentuer, c'est maintenant. C'est sur cela. Il faut vérifier qu'on est né de nouveau. Il faut vérifier qu'on est né de nouveau. Et comment tu vas vérifier? Il faut vérifier par ce que tu as à l'intérieur de toi. Jean chapitre 1. Vous y êtes? Quelque chose s'est-il passé? Pas que j'ai mon cœur battu. Quand il y a une transformation, les choses quittent automatiquement. Les choses quittent, ça s'arrête, tu ne sais pas comment ça s'est arrêté. Quelque chose s'est passé. Verset 10. Elle n'a pas encore trouvé là. Elle a trouvé Jacques là rapidement. Non, pas le verset 10, le verset 18. Tu y es. Lis le verset 18. La haute voix un peu, frère, il n'entend pas bien. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous savons que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature. Voilà. Donc maintenant, garde ce verset devant les yeux pendant que je vais lire encore. Il est mis pour qui dans ce passage? Dans ce passage, il l'a mis pour qui? Ça commence par il nous a. Dieu. Voilà. Il, donc Dieu nous a engendrés. On voit effectivement la naissance là-dedans. Donc, en clair, il nous a fait naître de nouveau. Comment? Non, pas d'abord. Il y a quelque chose d'abord. Selon sa volonté. C'est la première chose d'abord. Donc, la nouvelle naissance doit d'abord être initiée par qui? par Dieu. Donc, aucun être humain sur la terre n'a le pouvoir de faire que quelqu'un naisse de nouveau. Et par conséquent, si tu dis Seigneur Jésus, ça c'est comme mon sauveur aujourd'hui. Prends ma vie, que mon Dieu arrive la vie. Ne riez pas, c'est terrible. On ne peut pas savoir quelle séduction est. C'est pour ça qu'il faut qu'on vérifie ces choses-ci. Quand tu vas finir de pleurer comme ça, tu vas sortir là-bas, tu vas dire que tu es né de nouveau. C'est pas comme ça qu'il a dit. Dans le chapitre 3, verset 7 de Jean, il dit ce qui est né de la chair, ce qui est de l'esprit, esprit. Le vent souffle où il veut. Et tu ne connais pas d'où il va, d'où il vient, d'où il va. Il est tel est l'homme qui est né de nouveau. Donc l'homme qui est né de nouveau ne peut plus être maîtrisé par l'homme sur la terre. Il a sa propre direction à lui. L'esprit le ballotte comme il veut dans chaque direction. Maintenant ici, il dit, il nous a engendré. Regenau, il nous a engendré, fait naître de nouveau. Il nous a fait de nouveau. Il nous a donné la nouvelle naissance selon sa volonté. Donc c'est Dieu en haut qui décide que telle personne naisse de nouveau aujourd'hui. Tu as bien saisi. Et tu saisis dans les, est-ce que tu saisis dans l'implication? Il y a saisi ça. Bon, déjà, le fait de nous dire que tout c'est selon sa volonté et que Dieu a déjà prédéfini les personnes qui ont la nouvelle naissance. Ça commence à choquer, n'est-ce pas? Voilà, ça m'amène à une autre question aussi. Pose la question. Et bien avant, je crois finir déjà sur ça, sur la nouvelle naissance. Moi, je veux savoir aujourd'hui. Puisque chacun qui se dit enfant de Dieu, tout le monde dit aujourd'hui, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau. Voilà. Bon, c'est quoi exactement? Bon, c'est pas une formule mathématique, A plus A égale B, c'est pas ça. Oui. C'est quels sont les signes qu'une personne, parce que les expériences spirituelles, on a tous. Oui. Les songes, on en fait tous. Ça, c'est clair. Même avant d'être né de nouveau, les gens ont les songes. On les songes, des visions et toutes ces choses-là. Donc, il n'y a qu'une seule chose. Je vais te montrer un seul passage. Non. Un seul passage. Ou bien, pour que ça soit soutien encore debout, pour que ça ne respire pas trop. Je donne un deuxième passage. Et ce deuxième passage-là, c'est le signe pour que chacun vérifie. D'accord? 1 Jean. Avance vers la fin. Vers la fin, non, plutôt. 1 Jean. Lorsqu'on va lire ça, vous et moi, on va se regarder les yeux dans les yeux, sans parler. Chacun va rester seulement cela avec lui pour aller se regarder les yeux dans les yeux du Seigneur, lui-même. N'est-ce pas? Chapitre 4. Déjà, ouvrez, en temps, ouvrez aussi Romain. Ouvrez Romain. Vous mettez le doigt là, comme ça, quand on lit un, puis on parle de l'autre. Chapitre 8. Chapitre 8 des Romains. Chapitre 8. Or, tout le monde, toutes les religions chrétiennes appellent Jésus. C'est dimanche aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est dimanche, oui. Chaque jour, des milliers de personnes prennent la Bible. Chapitre 8. Alors, et le pasteur passe, Jésus par là. Il est temps que chacun cherche une relation intime avec le Seigneur. Pour savoir en clair où on en est. Maintenant, si vous avez ouvert Romains chapitre 8, je vais seulement lire et je vais vous regarder. Laisse-le. Parce que s'il reste tranquille, il ne joue pas, David, c'est quoi, tu es malade, vous avez commencé à chercher, il chauffe, pour dire que quoi, lève-toi, tu fais le bruit. Maintenant, chapitre 4 de 1 Jean. Lis le verset, un seul verset. Le verset que je vais donner. Quand tu vas lire cela, tu me regardes, on se regarde ensemble. Vous vous regardez ensemble, d'accord? Verset 13, allons-y. Verset 13, je vous écris Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Vous entendez ça? C'est pas un problème que je me cherche comme ça. 1 Jean, chapitre 4. C'est ça pour Jean? Tu es sûr, mon cher? D'abord, nous avons commencé par ces choses-ci en disant que dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, qu'on cite, c'est que si quelqu'un est en Christ, si tu es en Christ, tu demeures en lui. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Ok, maintenant, la question que tu poses, c'est comment on savoir qu'on est en Christ ou bien qu'on est né de nouveau? Parce qu'être en Christ, ça veut dire qu'on est né de nouveau. Verset 13, à haute voix, mon cher. Verset 13, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qui nous a donné de son esprit. Regarde un peu ça. Tu as entendu ce qu'il a dit? Donc, on ne va pas chercher le signe à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'on doit chercher le signe. Ça veut dire que, de façon claire et nette, il a dit, nous savons que nous demeurons en lui. Donc, que je suis en Christ. Et qu'il demeure en nous, c'est-à-dire que Christ est en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Donc, la question qui doit être répondue, est-ce que j'ai reçu son esprit? Chacun doit répondre à cela. Romains chapitre 8. D'après, avant d'arriver sur chapitre 8, dans 1 Jean, chapitre 1, non, chapitre 2, oui. verset 4, il est dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Oui. La vérité n'est pas en lui. Oui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, et par là, nous savons que nous sommes en lui. Et quand tu lis Ézéchiel, chapitre 36, verset 24, 26, il avait dit, quand l'œuvre de Dieu sera faite, lorsqu'il va finir faire cela, il va mettre son esprit en nous, et il va faire donc cet esprit-là, parce qu'on nous garde sa parole. Donc, 1 Jean 4, 13, reste debout. C'est là-bas la question doit être répondue. Parce que tu ne peux pas garder la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. Mais avec l'Esprit Saint en toi, comment tu peux discerner justement toi, ta propre voix, la voix de ta chair et la voix de l'Esprit? Non, ça, la Bible, il a défini clairement que la chair a les désirs contraires à ceux de l'Esprit. Quand c'est la chair qui agit, c'est que c'est la chair. Dès le départ, ce n'est pas au niveau des œuvres de la chair et des œuvres de ceux qu'il faut d'abord regarder. Il faut d'abord regarder s'il est d'abord là. C'est là le problème. Il faut d'abord vérifier s'il est d'abord là. Non, on a dit là-bas, on a dit, regardez encore, chapitre 4, verset 13. Allons-y. C'est pas ce qui est écrit là-bas. Lis aussi là-bas, mon cher, lis aussi. Verset 13, lis à haute voix, mon cher. Mm-hmm. Allons-y. C'est petit, c'est l'écriture petite. 1 Jean, chapitre 4, verset 13, à haute voix. Que nous demeurons en lui. Et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. C'est pas ce qui est écrit. On ne peut pas compliquer. Nous reconnaissons que nous sommes en Christ et que Christ est en nous par le fait qu'il nous a donné son esprit. Donc voici le signe authentique pour savoir que tu lui appartiens et qu'il t'appartient. C'est ce qui est écrit. Bon, peut-être que j'arrive pas à me faire comprendre. Mm-hmm. Là, il est bien dit effectivement que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on saura tout ce qu'on est de nous. Mm-hmm. Après ce que le verset dit. Mm-hmm. Non, c'est pas cela. Suis attentivement. Mm-hmm. C'est-à-dire, si tu peux vérifier que toi, tu es là-dedans, mm-hmm. il faut que tu saches si oui ou non il t'a donné son esprit. Il t'a donné son esprit, ça veut dire que tu es en lui et il est en toi. Et comment tu le sais que tu as son esprit? Relisons encore le verset. Allons-y. Il dit, nous reconnaissons. C'est pas oui. Nous demeurons en lui. Suis. Et qu'il demeure en nous. Par le fait que. Au fait qu'il nous a donné. Donc il y a un moment. Donc il y a un moment où il t'a donné le Saint-Esprit. Donc la question c'est si tu as reçu le Saint-Esprit, oui ou non. C'est là où ça commence. Toutes les questions commencent là. Si tu dis oui et que c'est faux, tu sais que c'est faux. Tu ne peux plus avancer. Donc la question de as-tu reçu son esprit doit être répondue. Ce n'est pas la manifestation physique. Parce que c'est marquant physique, on truque les manifestations physiques. Puisque les miracles se font, comment? Et ça, c'est un autre point, justement, oui. sur lequel j'ai essayé de méditer, parce que c'est pas vraiment clair pour moi. Oui. Je vais méditer dessus. Oui. Ce que je veux dire, en fait, c'est. Il y a beaucoup d'entre nous, en fait, qui se disent enfants de Dieu, qui vivent des expériences aussi. Oui. Et ces personnes-là, justement, même les comment ils appellent ça, on les appelle généralement les religieux, voilà. Oui. Les gens qui se disent religieux, qui oui. souvent nous dans les songes, tout ça, ils oui. pensent qu'ils ont une relation avec Dieu. Tu vois, effectivement, non. Là, tu vois que tu as envie de voir la manifestation à l'extérieur. C'est à l'extérieur. Ça, c'est juste une fois de plus, c'est l'extérieur que tu as envie de voir. C'est-à-dire que chacun se dit, puisque j'ai eu le songe, j'ai eu ta vision, ça vient de Dieu, j'ai une relation avec Dieu. La Bible ne dit pas que c'est sur ça qu'il faut faire le test. Il faut que la personne reconnaisse, soit oui ou non, si le Saint-Esprit est entré. La question doit être répondue parce qu'il dit. Personne n'est capable de savoir. Non, c'est pas quelqu'un d'autre qui doit savoir pour toi. Oui, mon frère. Est-ce que moi qui te vois, je sais que tu as mangé? C'est la même chose, c'est ce qu'on a de dire. Donc, on a parlé de dire que moi je vois la sœur. C'est pas la manifestation. C'est toi-même, entre toi-même et Dieu. Le cœur avec Dieu. Oui. Et pour pousser encore plus loin, oui. effectivement, on se rend compte de cette question-là de la naissance. Oui. Nous sommes tous d'accord que personne d'entre nous n'a voulu naître. Ça, c'est clair. Or, la nature nous enseigne toutes choses. Mmh. Parce que le Seigneur utilise toujours les choses naturelles pour nous utiliser les choses spirituelles. Mmh. Donc, ça ne fait que confirmer mmh. le fait que si tu n'as pas choisi toi-même mmh. de naître, c'est-à-dire que ce n'est pas une implication personnelle, mmh. un choix personnel, réfléchi de ta propre part. Mmh. À plus forte raison que la naissance spirituelle, c'est que c'est Dieu qui fait naître selon son bon plaisir, selon sa volonté. Quand tu nais, tu sais que Dieu est. Tu vois, c'est tu es conscient maintenant. Bien que ce n'est pas toi qui as pris la décision de venir. Là, maintenant, ça, c'est la façon extérieure. Et quoi, tu sais même que tu es bébé, même quand tu viens naître de nouveau, tu sais même que tu es dans ce domaine, tu es encore enfant. Alors en conclusion, ne confondons pas les deux choses ici. Si moi je te regarde, comment je dois faire pour savoir que toi tu es enfant de Dieu né de nouveau? Il y a une autre volée de la Bible pour faire cela. C'est que je suis en train d'insister ici parce que l'autre si. On doit, le chrétien doit pas passer le temps pour vérifier si tel est né de nouveau. Il doit passer le temps à vérifier si lui, il est né de nouveau. Jésus a dit que ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et puis tu pourras voir. Ok, maintenant, ça veut dire il faut que chacun va devant la Bible avec la Bible 1 Jean chapitre 4. Puisque la question résumée là-bas, Dieu merci pour le verset là. Est-ce que j'ai reçu le Saint-Esprit, oui ou non? Je dois être vrai. Ça doit être vrai. Chapitre 8 maintenant des Romains. Versets 9 et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Oui. Du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Oui, attends. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Tu vois que le problème, c'est le problème de l'Esprit, oui ou non, habitant en quel? En quelqu'un. Oui. Donc, pour les choses de la chair, ça sera manifeste, ça sera évident par rapport à l'esprit de l'extérieur ou quoi que ce soit. Mais le départ, c'est que la personne, une fois depuis l'année d'appeler les sept personnes, si du moins vous, si vous vivez selon la chair, ainsi de suite, mais si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, il veut dire vérifiez si vous avez l'esprit de Dieu en vous. Si vous avez l'esprit de Dieu en vous, vous allez manifester les œuvres de l'esprit automatiquement. D'accord, mon cher? Maintenant, encore, verset 9. Pour vous. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Oui. Du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Oui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, le vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Vous entendez ce que je dis? Oui. Autre question. Donc, chaque personne qui se dit croyant, doit être. Parce que la séduction se situe à ce niveau. Et là, nous avons brossé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament directement, rapidement. Avant de montrer la différence avec l'Église. Dieu donne les bénédictions matérielles accessibles pour tout le monde, et pour les sorciers, et pour les chrétiens, pour les croyants. C'est la première des choses. La pierre d'achoppement, c'est que donc, les gens ayant les bénédictions physiques, des réponses physiques, croient qu'ils sont nés de nouveau, et que c'est le signe que Dieu avait eux. Ce n'est pas là qu'il faut commencer. Parce que tu dis, oh Seigneur, je veux de l'enfant, je veux de l'enfant, et puis l'enfant vient. Quand il a donné l'enfant, ce n'est pas un signe que tu es né de nouveau. Parce que ce même enfant-là, il donne à une personne qui ne l'a même pas demandé. Parce que l'enfant vient de Dieu. Et il y a des païens qui ne croient pas à Jésus, chez les musulmans qui ne veulent pas entendre parler de Jésus, qui ont des enfants, qui ont des difficultés à accoucher, et ils ont des enfants, n'est-ce pas? Ok. Donc, ça veut dire, sur ce rapport-là, ça, on ne doit pas se baser sur ce rapport par rapport à notre relation avec le Seigneur. Les rapports, donc, de bénédiction extérieure ne doivent pas être le sujet de notre test du niveau avec le Seigneur. D'accord, mon cher? Maintenant, lorsque ces choses se sont brossées, vous voyez dans la Bible exactement comment Dieu va donner le songe à Nebuchadnezzar. Le songe à Nebuchadnezzar. Il donne le songe qui contient toute la Bible et le plan de Dieu, c'est à Nebuchadnezzar qu'il a donné. À Joseph, Joseph était en prison. Il a donné le songe à qui? À Pharaon, qui est le type même de Satan. Il lui a donné le songe par rapport à la vision de la famine qui devait venir sur la terre et le moyen d'en sortir. L'interprétation l'a donné à Joseph. Je suis venu donner que les sept bœufs gras, c'est ici, les sept ébiles de gras, comme tu as vu ça deux fois, c'est que Dieu a résolu. Il dit comme ça à Pharaon par rapport à Dieu, alors que lui, c'est Satan. C'est pas ça que tu comprends, mais c'est à lui qu'on a donné le songe. Vous lisez le livre des Juges, chapitre 7, vous allez voir effectivement comment Gédéon, pour aller lutter, avait fait le test avec Dieu. Il a fait le test, Dieu a dit, ok, si tu ne crois pas, descends avec les hommes là-bas la nuit, le grand matin, au crépuscule, tu vas savoir de quoi il est question. Il est descendu, il a pris son serviteur, son descendu, restant sur la montagne là-bas. La nuit, Dieu a donné le songe à l'ennemi qui devait détruire. Il dit, la nuit, Dieu a donné la nuit le songe. Donc, il a donné le songe à celui-ci, donne l'interprétation à celui-ci. Dans le cas ennemi, il voulait comme ça pour que les gens qui croient en lui puissent écouter. Il dit, va le matin au crépuscule là-bas, va regarder celui-là, va suivre quelque chose. Dieu n'a pas dit qu'il a donné le songe. Il va le matin, il prend son serviteur, il descend sur la colline, il descend comme les ennemis sont là. Il voit le camp là-bas en bas. L'autre se lève le matin, il dit bonjour. Il dit bonjour. Il dit maman, j'ai eu un songe aujourd'hui. Il dit c'est quoi? Il dit mince. J'ai vu comment quelque chose descendu de la colline là-bas, ça a descendu comme ça, ça a saccagé le camp des Philistins comme ça. Quand il a fini, l'autre a dit tcha tcha tcha tcha tcha. Ce que tu as vu là, c'est que Dieu a livré le camp des Manzanites, le camp des Philistins entre les mains de Gédéon. Vous entendez cela? Ça, c'est l'ennemi, un militaire qui va aller lutter contre les choses le lendemain. Dieu donne le songe à un militaire, donne l'interprétation à un autre militaire ennemi. il ne donne pas dans le camp israélien. Quand il a entendu le songe, Gédéon a entendu le songe et son interprétation, il est rentré dans le camp, il dit qu'allez, allons-y, Dieu a livré. Mais où est-ce que Dieu a livré le songe? Quelqu'un qui va mourir plus tôt, tout à l'heure, et l'interprétation là-bas. Donc, sur la base des songes et de l'interprétation, ça ne nous donne pas la certitude qu'on est avec Dieu. On se comprend jusque-là. Donc, je vais encore prendre autre chose. Vous lisez Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7 et Jérémie chapitre 44. Le peuple d'Israël va entrer dans une désobéissance manifeste au point où ils servent, donnent les encens à la reine du ciel. Ce qui est cette démon qui est dans l'église catholique aujourd'hui. La femme enfant là, avec l'enfant là. Dieu va jeter donc la prophétie dans la ville de Jérusalem en parlant qu'ils vont aller en captivité. Dieu, même ceux qui vont rester là-bas, les animaux vont souvent le manger. Pour d'autres personnes, c'est la famine, d'autres personnes, c'est l'épée. D'autres, ils vont en captivité, vont mourir là-bas. Après, Nebuchadnezzar va venir prendre en captivité, laisser une partie à Jérusalem. Ces personnes-là vont demander à Jérémie, nous sommes au chapitre 44 là, vont demander à Jérémie qu'est-ce qu'il faut faire, aller en Égypte. Non. Mais au chapitre 17, Jérémie donne les prophéties chaque fois. Que repentez-vous, repentez-vous, il dit non, non, non, on ne veut pas servir ton Dieu. Que ton Dieu, chaque fois qu'on a servi ton Dieu, on était en difficulté. Mais chaque fois qu'on a servi la reine du ciel et donné l'encens, on a eu des bénédictions, on a eu des pommes pour manger. Donc, quand ils servaient les démons, ils avaient des bénédictions physiques. Quand ils servaient Dieu, Dieu leur accordait des choses quand il veut. Et les gens n'aiment pas quand Dieu tarde. C'est pour ça qu'ils aiment là où quand Satan donne rapidement. Alors, ça veut dire quoi? Tout ceci, c'est pour montrer que la relation avec le Seigneur ne doit pas être basée sur ce qu'on reçoit de lui en termes de bénédictions. Parce qu'on dit qu'il fait pleuvoir sur le juste et l'injuste. Il y a plus profond. C'est ce qu'on en a testé là, c'est le test même de l'univers. Parce que Jésus, en quittant le ciel, la terre a dit, l'esprit que je vous envoie, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Donc, ça dit qu'il a mis la part de terre, c'est qu'un mondain ne peut pas imiter le Saint-Esprit. Vous voyez? Il ne peut pas aller là-bas. Alors, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît pas et qu'il ne le voit pas. Mais vous, vous le connaissez et il sera même en vous. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est celui-là qui met la part des choses, la différence entre la vie animale, c'est-à-dire la vie de la chair, la vie des païens, et la vie spirituelle. Alors, ça veut dire que le test, c'est 1 Jean chapitre 4, verset 13. Nous connaissons, nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné son esprit. Quand tu donnes son esprit, ça montre que tu n'appartiens pas à d'autres peuples. Tu n'appartiens plus au monde, tu appartiens à Jésus. C'est le cachet qu'il a mis pour toi que passeport pour l'éternité. C'est ça dont c'est les questions. Amen. Donc, en clair, chaque personne doit vérifier si oui ou non il a le Saint-Esprit. On ne te reçoit pas, pas. Oui, oui. Non, du coup, ça m'en est dans la deuxième question. Troisième. Non, la deuxième. C'est sûr. Bon, la troisième. Oui. Donc, si j'ai bien compris, vous dites qu'une personne est née de nouveau, c'est elle-même, c'est-à-dire le Saint-Esprit atteste à cette même personne qu'elle est née de nouveau. C'est même pas une attestation que peut-être que je sens quelque chose. C'est quelque chose de réel que tu as vécu. Et ça, même si quelqu'un ne croit pas, tu sais. Comme par exemple, le frère t'a posé la question, que, est-ce que tu sais que tu as mangé? Tu as dit oui. Mais si, même si tu nous dis ici que tu as mangé, on dit non, je ne crois pas que tu as mangé. N'est-ce pas? Si tu sais que tu as mangé, non? C'est ainsi, tu sais. Ce n'est pas un problème de sensation. Tu sais que quelque chose passe parce qu'en réalité, quand ça vient, il y a une transformation à l'intérieur au point où tu sais que quelqu'un d'autre en dehors de toi vit là-dedans. Et que si tu fais n'importe quoi qui n'est pas de lui, tu sais qu'il est heurté. Il est, parce qu'il est heurté. Il, vous savez, la Bible déclare, n'attristez pas. On n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellé pour le jour de la rédemption. Quand tu fais quelque chose, tu sens qu'il est fâché. À l'intérieur. Oui. Oui. Donc, du coup, ça me ramène à l'autre question de savoir, étant donné que ceux qui sont nés de nouveau ont l'esprit de Dieu, oui. Est-ce que ceux-là peuvent être victimes de... Non, c'est là où ça met la Bible l'un des côtés par rapport à cela. Les chrétiens ne peuvent pas être délivrés. Les religieux peuvent être délivrés. C'est qu'il y a un problème, d'accord? D'accord. Donc, du coup, si, pour résumer, là, juste pour m'assurer, j'ai bien compris. Oui. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être possédé. Ne peut pas non plus manifester les liens familiaux, les maladies héréditaires. Non, ça ne les concerne pas. Parce que si quelqu'un est en Christ. Maladie héréditaire. Oui. Maladie héritée, oui. Maladie héritée. Oui, je dis, est-ce que. On parlait de la malédiction. Né de nouveau. Peut être malade. Peut avoir. Ah, voilà. Une maladie. Une maladie héritée, oui. Non. Parce que lui peut avoir l'asthme directement. Non, non, non, non, non. Toute chose qui est héréditée dans la famille, c'est un lien. Donc, c'est d'ordre spirituel. Mais si tu es né de nouveau, puis tu manifestes. Comment tu es né de nouveau? Tu sais que vous dites que la Bible est mentée. Ça veut dire que vous dites que c'est la Bible qui ment. Non, il n'y a pas deux façons de naître de nouveau. Il n'y a qu'une seule façon pour naître de nouveau. Et toute espérance doit être confrontée à la Bible. Tu es né de nouveau. Oui. Voilà, je prends mon cas, je suis né de nouveau. Bon, la selon la Bible, sinon. Oui, moi-même, je suis né de nouveau. Oui. On dépose la Bible. Oui. Je suis né de nouveau. Oui. Et puis, j'ai la sciatique. Oui. Ma maman a hérité ça de ma maman. Oui. Parce qu'elle aussi a hérité ça de ma maman. C'est qu'il y a un problème. Mais je suis né de nouveau. Tu dis que tu es né de nouveau, non? Non, non, c'est pas ça, c'est pas le problème. Non, mais puisque ressent ça, bon, je pose la question. Attends, écoutez très attentivement. Non, attends d'abord, non, attends, je pose la question pour que tu expliques bien. Tu avais ça avant, la, ce que tu, avant de croire. J'avais ça avant de croire, mais je piquais beaucoup de crises. Non, attends. Sur chaque année. Mais oui. Depuis que j'ai cru, oui. C'est quand je m'arrête, quand je travaille beaucoup, elle est grossesse, c'est oui. Là que ça se manifeste. Mais je pique plus de crises ou je marche plus. Bon, tu as fait comment pour que les crises partent? Je me dis, c'est Dieu. Alors, maintenant, je pose la question. La nouvelle naissance. Mais n'empêche que c'est là dans mon corps. Non, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est là, mais je ne pique plus de crise où je fais 3 jours sans marcher. Non, depuis que je suis convertie. Mais tu dis que c'est là. Ça. Oui, parfois j'ai mal. Mais attends, tu as mal et tu dis que c'est ça. Je sais que c'est ça. Parce que ça vient de là. Non, non, c'est qu'il y a un problème, ma soeur. La Bible, regarde, pour toi, la Bible ne peut pas mentir et que toi, tu dis la vérité. Parce que la Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. La malédiction ne peut pas te suivre parce que la Bible déclare que ces personnes-ci sont cachées avec Christ en Dieu. Vous voyez? Donc il dit que si tu es mort en Christ, tu es ressuscité avec lui et par conséquent, tu as laissé avec tout ce qui est de terrestre là-dedans. Donc il y a une autre explication. Il faut que tu expliques ta nouvelle naissance d'après la Bible. Ouais, question là-bas, la question. On peut tout dire. Ah, c'est toi qui as la question. Oui, on va revenir là-bas. Oui. Oui. Non, il voulait parler de par rapport à la chair et autres. C'est pas par rapport à la chair. Oui. Tu sais, oui. Donc, quand c'est dérangé, la question, tu fais tout de même. Mais tu vas te répondre, tu vas faire comment, tu vas le savoir. Tu te réponds, tu reprends. Oui, tu ne dois plus faire, normalement. Donc, ça veut dire que ça ne te traverse même plus l'esprit. C'est pour ça que le Saint-Esprit vient, la solution contre le péché, c'est le Saint-Esprit. Dieu permet qu'il y ait la même situation pour voir ta réaction et tu ne réagis plus comme tu as réagi. En fait, il fait cela pour montrer que quelque chose a été fait dans ton cœur, pas pour te tenter, pour que tu tombes dans le péché ou non. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui a fumé. Non, je vais prendre un truc, je ne vais pas me cacher. Je vais manifester la colère, je crois, la semaine que je suis passée. Oui. Par rapport à. Bon, je m'en vais ici et tout ça. Et puis, je suis vraiment. Et après, bon, les gens ont bon, il y a eu une situation de pique, ça, okay, par rapport à lui, et ça ne m'a fait rien dit. Je ne me suis plus énervée, tout ça, mais je me suis repentie devant le Seigneur. Bon, mais qui te dit que la prochaine séance, maintenant, comme tu t'es calmé, maintenant tu vas encore t'élever plus fort? Non, je veux dire que ça, c'est un peu il y a eu deux fois, mais je me suis plus mise en colère comme C'est-à-dire, je devais m'énerver, mais plus que la nous, première. Là, nous sommes touchés deux notions différentes. Il y a la marche chrétienne. Plus tu connais le Seigneur Jésus-Christ, plus les choses sont déshabillées, dépouillées de toi. D'accord? On grandit dans la connaissance de Christ. C'est pour ça que vous allez voir dans la Bible des apôtres qui ont eu des difficultés à saisir certaines choses. Alors que d'autres, en un clin d'œil, ont saisi. Tous n'ont pas la maturité au même moment. D'accord? C'est pour ça que les enseignements sont donnés. Il y a des gens où vous allez parler de pourquoi ils disent laisse-moi d'abord, Dieu me connaît. Après, un de ces jours va dire quelle folie je faisais. Alors que même si tu dis n'importe quoi, là, il ne comprend pas. Il a un temps de maturité. Ce que tu allais toucher là, c'est le caractère chrétien avec le Saint-Esprit. Non, c'est parce que c'est exactement le contraire que j'en ai dit. J'en ai dit. Non, je prends un exemple dans la Bible. Vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5. Les Corinthiens avaient le Saint-Esprit habité en eux, mais ils vivaient totalement dans la chair. D'accord? Dans 1 Corinthiens chapitre 5, il dit que on entend dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Il dit parmi vous. Une impudicité telle que ça ne se nomme même pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père et vous n'êtes pas allé à vous. C'est quoi, David? Et vous vous êtes enorgueillé au point où. Donc les chrétiens vivaient dans le péché parce qu'ils étaient des enfants en Christ. Malgré qu'ils avaient le Saint-Esprit, il fallait maintenant qu'on les enseigne le dépouillement. D'accord? Donc, Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi, et sans enseignement, tu marches dans les voies détournées de la chair. Mais lorsque l'enseignement est donné par le Saint-Esprit, tu te rectifies directement. Ce que je suis en train de parler maintenant, c'est ce que la Bible déclare par rapport aux liens familiaux, par rapport aux personnes démoniaques, que les nouveaux nés, les nés de nouveau, sont dans l'autre cas. Satan n'a pas de pouvoir sur eux parce qu'ils ont le passeport de l'autre côté. D'accord? On prend question 4 subsidiaire ici. Celle-ci. Donc, tu as une question mémorisée dans le téléphone. Non, ça, l'instant, j'ai noté. Pour ne pas oublier, ok, c'est bon. Bon, ça ramène justement à la toute dernière question. Oui. C'est un sujet que j'ai abordé avec mon frère Francis. Oui. C'était justement là, par rapport au salut. Par rapport au salut. Ah, c'est lui. Bon, dès qu'il finit sa question, pose pour voir si ça va dans le même sens. On va les jubiler une fois. Voilà, donc est-ce que réellement celui qui est né de nouveau, comment le prendre la vie de l'église? Ok, d'abord, là, je te pose, oui, la question par rapport au salut, c'était quoi? Je veux d'abord définir qu'est-ce que le salut. Bonne question. Donc, non, c'est pas là que ça commence. Parce qu'on dit que quelqu'un va perdre son salut. Ces choses, les questions qu'on a aujourd'hui montrent clairement qu'il y a de l'embrouille à milieu chrétien. Parce que vous allez voir les chrétiens qui tiennent telle position, l'autre qui tient telle position, et parlant de la même Bible. Si on comprend le plan de rédemption. Ce que Jésus est venu faire, si on comprend le plan de rédemption, ce qu'il est venu faire, ça met hors d'état de nuit tout questionnement et toute injustice. Qu'est-ce que le Seigneur est venu faire? Oui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est venu faire? Oui, je te pose la question. Il est venu racheter l'humanité. Pourquoi? L'humanité a un problème. Donc, ça veut dire que comme il est venu racheter, est-ce qu'il l'a racheté? Ça veut dire que l'humanité lui appartient. Dans ce cas, pourquoi les gens vont en enfer? Pourtant, il les a rachetés. Non, mais il a donné la possibilité aux hommes d'être sauvés, justement. Attends. Sauve. Qui comprendra en lui aura la vie. Bon, il les a rachetés. Il les a rachetés. Donc, ça veut dire qu'il lui appartient désormais. Non. Pas qu'il les a rachetés. En fait, la croix est faite pour toute l'humanité. Oui. La condition que tu crois, parce que le salut, justement, c'est pas la croix. À la foi en Jésus-Christ. Oui. Qui croit à la vie éternelle. Voilà. C'est bon. Je voulais que tu pousses juste le bouchon jusqu'à là-bas. Maintenant, je vais citer la Bible. Éphésiens chapitre 2, versets 6, 7, 8 et 9. Suis attentivement. Ok, ou bien tu peux ouvrir. Je crois que comme ça, en lisant, je vais te poser la question. Éphésiens. Donc, d'après ce que tu en as dit, je veux que vous gardiez bien cette question-ci. D'après ce qu'il en a dit, c'est que l'œuvre de la croix a été faite pour tout le monde. Mais il faut exercer la foi, il faut croire pour être sauvé. Ça veut dire que pour avoir cela, pour que ça te... Aide-le à toucher Éphésiens pour qu'on puisse avancer rapidement, pardon. Chapitre 2. On avance. Lis-nous, mon frère, lis-nous le verset 6, déjà. Chapitre 2. Oui. Verset 6. Il nous a ressuscité ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Stoppons d'abord là-bas. Il dit que il nous a quoi? Il nous a ressuscité ensemble. Nous, là, mais pour qui? Ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru. Donc, ils sont déjà ressuscités, n'est-ce pas? On est d'accord? Et ils sont déjà assis dans le lieu céleste, n'est-ce pas? Ok. S'ils sont déjà dans le lieu céleste, donc un jour, il peut les prendre, il les envoie en enfer. C'est ça, frère? D'accord. Non, suis attentivement la question. Non, oui, c'est parce que. Non, il peut les prendre. Bon, je suis attentivement. C'est ce qu'il dit. Il nous a ressuscité ensemble. Et il nous a fait asseoir. Donc ça veut dire que c'est accompli. Et je pose la question. Il l'a aimé pour qui? C'est Jésus. Nous aimé pour qui? Tu dis c'est pour ceux qui ont cru. Donc, pour ceux qui ont cru, et depuis qu'il est mort, ressuscité, et pour tous ceux qui vont croire, pas vrai? Donc ils sont déjà dans les lieux célestes avec lui. Comment donc ils vont perdre alors? Ils vont quitter là-bas pour aller où maintenant? D'accord. Et comment tu expliques quand Moïse dit à Dieu que si tu veux détruire ce peuple, efface mon nom du livre de vie? Il dit, je ne passerai pas ton nom. C'est celui qui a péché contre moi. Ah, ce qui veut dire qu'il est capable de retirer le nom. Non, ça c'est un autre enseignement. Effacement de nom, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec le salut. Parce qu'il y a un autre enseignement. C'est un autre enseignement. Je vais y revenir là-dedans. Ok, moi je maintenant. Vois aussi celui Apocalypse. Non. Je dis ceci. Je dis c'est un autre enseignement. Je vais y revenir maintenant. Okay. Pour que ça soit clair. Okay. Je veux qu'on reste ici. Donc quand Christ est allé dans la mort, il est allé avec les gens pour lesquels il est mort. Il est ressuscité, il les a amenés. et ils sont assis avec lui ensemble maintenant alors que nous lisons la Bible. Et tous ceux-là, c'est ceux qui sont sauvés, n'est-ce pas? Ok, sur la terre, donc, comment ils vont perdre le salut? Je voulais dire, est-ce qu'il y a une possibilité, donc, que, comme ils sont assis ensemble dans le lieu céleste, ils ratent sur la terre, ceux-là, ils enlèvent, ils envoient quelque part? Frère, en fait, moi, pour moi, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que je ne peux pas me baser seulement que sur... Non, non, je suis en train d'avancer, c'est ma réflexion. Ce verset-là, c'est clair. Oui, salut, c'est impossible, n'est-ce pas? Mais on va aller sur un autre verset qui nous donnera autre chose. Non, j'arrive, mon frère, j'arrive. Descends maintenant, verset suivant. Verset 47. Oui. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Je crois qu'en fait, on a touché quelque chose, sérieux, mais envoyez-le maintenant. Verset suivant, verset 8. Le verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je veux que tu me dises maintenant, d'après la Bible, comment faire pour être sauvé? C'est par la foi. Comment la foi vient? C'est un don de Dieu. Un don, c'est quoi? C'est une grâce que Dieu accorde. C'est-à-dire, nous sommes ici. Il sauve celui-ci, il ne sauve pas cela, n'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'il y a un problème avec l'œuvre de la croix que tu as définie. Parce que tu as dit, d'après ce que tu as dit qu'il est mort pour tout le monde. Et il faut que quelqu'un croie à cette œuvre-là pour être sauvé. Et de l'autre côté, pour que tu croies, il faut que ce soit lui qui ait décidé. Donc il connaît les sélectionnés, n'est-ce pas? Ça veut dire que s'il donne le don à celui-ci, il ne donne pas à celui-ci, celui-ci ne viendra jamais. Parce que la seule façon de faire, c'est qu'il ait reçu le don pour venir. Parce qu'au chapitre 6 de Jean, comme nous avons lu aujourd'hui, il a dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. C'est ça, non? Et je le ressusciterai de Dieu. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que je donne ma vie pour les brebis et que je les ressuscite au dernier jour, que je ne perde. Il a bien dit ça dans le Jean. Nous avons lu ça au Jean, chapitre 6, verset 37. Il a dit que la volonté de mon Père, c'est que je ne perde rien de ce qu'il m'a donné. Jésus a accompli son mission, il a dit tout est accompli. Donc il a fait exactement ce que le Père a dit, n'est-ce pas? Jésus rassure là qu'il ne perdra pas. Il n'y a rien de ce qu'il est venu sauver qui sera perdu. C'est lui d'abord qui a dit. Plusieurs fois il a dit. Il dit, je connais mes brebis, elles me connaissent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Nulle personne ne peut les arracher de mes mains parce que le Père qui me les a donnés est plus fort que tout. Donc on ne peut pas les arracher. Donc le salut en Jésus-Christ est prédestiné. Parce que Jésus dit, ceux que le Père me donne viendront. Donc, ce n'est pas quelque chose que Dieu réfléchit en disant que, ok, comme il a fait maintenant comme ça, donnons tes choses. Après, demain, tu rates la chose et il reprend la chose. Non, ce n'est pas comme ça. Le salut est en un instant et c'est définitif. D'accord, mon cher? Tu me suis? Bon, jusqu'à présent, c'est pas encore. Ok. J'avance là maintenant. Alors, il y a un autre enfant qui s'est réveillé là. Suis attentivement. Alors, voici le vrai problème maintenant. Le vrai problème maintenant, c'est que ni toi, ni moi, n'avions rien fait pour que Dieu ait sélectionné quelqu'un à qui donner le don. Parce qu'on a vu, quand nous parlons de voyons de nouvelle naissance, on a vu qu'il nous a engendré selon sa volonté. Quand tu entends déjà que quelqu'un naît de nouveau sur la terre, c'est selon la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est aussi quand il décide de naître de nouveau. Donc Dieu ne va décider de faire naître quelqu'un de nouveau pour le faire périr par la suite. D'accord? Et je crois qu'il va falloir qu'on touche le cadre du livre de vie là maintenant. Le livre de la vie dont tu as parlé. D'accord? Donc, Apocalypse chapitre 13. Tu voulais lire l'Apocalypse tout à l'heure, non? Apocalypse chapitre 13. D'abord. Verset 8. Quand tu vas finir le livre, je vais te poser la question. Et tous les habitants de la terre l'adorent. Oui. Dans le nom de la part qui était écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Voilà. L'agneau a été immolé avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de ceux qui ont cru. Maintenant, suivons attentivement. Ici, on nous dit quand la bête qui va monter de la terre va faire des miracles au point où les gens, il y a un téléphone qui a sonné quelque part là-bas, et va faire des miracles au point où les gens vont l'adorer, n'est-ce pas? Et on a dit quelles sont les catégories de personnes qui vont l'adorer? Bon, quelle est la condition pour que le nom de quelqu'un soit écrit dans la condition dans le livre de vie de l'agneau? Je te pose la question. Qu'est-ce que, hein? Donc, si je crois en Jésus, mon nom est écrit. En fait, c'est le contraire. Maintenant, regarde encore le même verset encore relié. Quand tu as fini de lire, tu nous dis à quel moment les noms sont écrits. Allons-y. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Oui. Dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau. Regarde-moi, mon cher. Les noms sont écrits à quel moment? quand il écrivait le nom, les personnes là étaient présentes. Donc en fait, la Bible révèle qu'avant que Dieu ne crée, il a déjà écrit les noms. N'est-ce pas? Ok. Donc ces gens-ci, quel est leur problème au juste? Pourquoi ils adorent Satan? Là, d'après ce verset. Donc c'est en fait, c'est pas parce qu'ils n'ont pas cru, pas vrai? Parce que le problème commence depuis la fondation du monde. Et la fondation du monde, ils n'étaient pas là. Une fois de plus, le fait qu'ils partent adorer le démon, ce n'est pas parce qu'ils ont rejeté la vérité, parce qu'ils ont, ils ont décidé de servir Satan, ils ont rejeté de servir Dieu, parce que Dieu n'a pas dit ici que c'est parce qu'ils ont refusé de servir Dieu qu'ils ont adoré le démon. On a dit que là, le problème, c'est que leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. La question c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Je veux que tu me réponds, frère. Pourtant, d'après ton explication, tu as dit que Christ est venu pour racheter l'humanité. Et on doit croire en lui. Et on ne croit pas en lui pour que les noms soient écrits. Les noms sont écrits dès la fondation. Et ceci, les noms ne se trouvent pas. Pourquoi? Donc, il y a encore un autre enseignement. Il y a un enseignement. Non, voilà, c'est, si on veut rentrer, si on veut rentrer, non. Oui. Ça, franchement. Voilà, ça va aller très loin. Non, non, attendez, ces questions sont importantes. Ces questions sont importantes. Si je veux parler de ça encore, je vais donner un autre verset. Non, non, donne n'importe quel verset. La Bible n'enseigne pas le pour et le contre pour le même sujet. La Bible révèle seulement depuis la chose que tu as dit dans Moïse, ça se trouve dans le chapitre 32 des Exodes. C'est là-bas que le livre de vie est mentionné pour la première fois. Moi, pour répondre à cette question, je vais te prendre qu'un. Oui. Quand tu vas me dire que dès la fondation du monde, il était policier. Ce n'est pas ça, c'est une autre chose. Ça veut dire qu'il y a un enseignement que tu n'as pas encore suivi et qu'il faut que tu expliques là maintenant. C'est là où se trouve le nœud. Parce que pour quelqu'un, par exemple, Dieu lui dit, je mets devant toi. Il dit, devant toi, je t'avais dit, oui. Il y a le bien et le mal. C'est ça, non, c'est pas cela. Il a dit que le péché se couche à sa porte. Voilà, donc, attention, je te conseille. Et même quand il parle à l'homme, oui. Il dit, voici, je te donne, je mets devant toi le jour, le bonheur et la vie. Oui, voilà, Deutéronome 32. Voilà. Oui. Donc, tous ces versets-là, le Seigneur nous montre. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive, mon cher frère, doucement. D'accord? Pour le cas de Deutéronome, Dieu savait que personne ne pouvait appliquer cela. La parole qu'il avait dit. Il dit que quiconque met tous ses commandements en pratique vivra par elle. Et il est manifeste que personne ne vivrait par la parole. Depuis la fondation du monde, les gens vivaient par la grâce de Dieu. Il mettait la parole pour mettre en exergue le péché qui est dans l'homme et le besoin d'un sauveur. D'accord? Parce que c'est à cause de la loi là que la malédiction, que les gens ont compris que la malédiction est sur l'humanité. Tu comprends cela? Donc Dieu ne les mettait pas que je choisis la voie de vie pour vivre. Comment ils vont choisir la voie de vie? Parce qu'il faut avoir mangé de l'arbre de vie pour vivre éternellement. La voie de la vie, pour ne marcher pas dans la voie de la vie, en marchant, parce qu'il m'en va dans la vie. C'est pas comme ça. Donc quand Dieu en train de dire que je t'ai choisi devant toi, il met devant toi la voie de la mort et la voie de la vie, il est en train de prophétiser. Il n'est pas en train de parler en termes mondains que maintenant je marche comme ça, j'ai la vie éternelle. On ne marche pas avec la vie, on ne marche pas physiquement pour avoir la vie éternelle. Non. Donc d'accord. Donc quand Dieu en train de choisir en disant dans cet Deutéronome là que je mets devant toi la vie et de la mort, il est en train de mener les gens dans la conscience qu'il y a deux voies sur la terre. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, c'est Jésus qui doit marcher devant de nous. Il doit être le berger. Nous devons le suivre. C'est ce qui est révélé dans le Nouveau Testament. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, pour le cas de Caïn, c'est là où le bas blesse maintenant. Et je pose la question depuis en disant que pourquoi ceux-ci, l'Apocalypse-là, leur nom n'a pas été écrit depuis la fondation du monde. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait comme péché d'abord. Personne n'a rien fait. Vous allez me suivre. Personne n'a rien fait comme péché, mais ils sont nés comme ça. Si le diable vient là, ils vont servir le diable. Vous dites, pourquoi il sert le diable? Parce que le nom n'a pas été écrit. Et qui écrit le nom des gens dans le livre? Qui doit écrire? C'est Jésus. Mais qu'est-ce que ceux-ci ont fait pour que le nom ne soit pas écrit? Non, non, j'arrive pour le cas parce que quand il va venir là, ça va être un peu long. C'est parce que Caïn n'est pas seul dans ce cas-là. Il n'est pas seul. Oui. Un peu à vous, frère, les enfants ne peuvent pas entendre. Si je comprends bien, oui. Selon les explications et selon ce qu'on voit, oui, à travers le monde entier, ce qui veut dire que ça ne doit pas nous faire du mal, mm-hmm, de voir des personnes qui servent le diable. Oui. Au contraire, ça doit tout simplement nous interpeller, nous qui avons compris de savoir que bon, on doit plus encore s'attacher au Seigneur parce que eux, c'est par plus grâce que Dieu a permis que nous. Soyez dans cette voie-là. Applaudissons pour le frère. En fait, j'espère que tu vas dire comme ça. Tu as dit comme ça, tu as compris toi-même ce que toi-même tu as dit. Ce que ça implique. Parce que ça veut dire que lui ne sait pas le diable parce qu'il veut servir le diable. Toi, tu ne sais pas Dieu parce que tu as voulu servir Dieu. Non, ça, c'est pure grâce. Servir Dieu, c'est vrai, c'est quelqu'un qui se lève et puis dit c'est facile pour moi de servir, ça que c'est un menteur. C'est un menteur. Voilà. Maintenant, je vais aller doucement maintenant avec toi, d'accord? Tu vas à l'école. On a, tu entends qu'il y a attentat dans votre école, dans l'école où les enfants fréquentent. Tu me suis? Dès que tu quittes la maison pour courir, tu vas chercher qui? Tu m'as suivi ce qu'il dit? Il y a attentat, on dit qu'il y a attentat dans l'école, dans la zone où il y a l'école. On dit que les parents viennent chercher les enfants. Parce que l'école doit être fermée. Parce que quand, c'est la première réaction pour mettre des gens en sécurité. Quand tu cours de la maison, quand tu sors de la maison, tu vas chercher qui? Tes enfants. Si tu en as deux, quand tu prends déjà un, tu fais quoi par la suite? Tu cherches le numéro 2. Pendant que tu en es cherché, les enfants sont courus par le dos. Tu regardes les enfants, non? Ces enfants n'ont pas besoin d'être à l'abri. Est-ce que tu vas les prendre en temps à la maison chez toi? Non. Pourquoi? Lisons la Bible dans le nom. Lisons la Bible. Lisons Matthieu chapitre 13. Comment? Matthieu chapitre 13. Vous voyez pourquoi? Voici pourquoi, voici à, c'est à cause de ces choses, de ces questionnements, c'est que j'ai dû être sali comme ça dans le monde entier, comme tu disais là, à cause de ceci. C'est la pierre de voûte ici. En fait, même sans ça, même en lisant la Bible, vous devez comprendre que quelque chose ne va pas. Même en lisant seulement chapitre 3, 13 des Hébreux, là, vous devez comprendre que quelque chose ne va pas. On dit, tous les habitants de la terre l'adoreront. Puis on dit, virgule, c'est pas tout le monde en fait. Ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre des vies de l'agneau. Et on ne fait rien pour que le nom soit écrit. Il doit avoir écrit ton nom. Tu ne fais rien. Parce qu'en fait, même si vous voulez faire quelque chose, le nom soit écrit d'abord avant que le monde ne soit créé. Donc ça pose problème par rapport à ceci. Donc là, la compréhension biblique, maintenant, tu comprends maintenant le pourquoi. Ici, ça se trouve ainsi. Chapitre 13 de Matthieu. Quoi qu'il doit s'en sortir, oui, ça me manque que la maman prend l'enfant parce qu'il faut qu'il perçoive ceci. Alors, je crois qu'il va lancer la guerre, le gars là maintenant. Tu es en train de l'attaquer, c'est même plus. Voilà. Chapitre 13 de Matthieu. On y va. Non, pas le premier verset. Dans ce Matthieu chapitre 13, il y a 5 paraboles. Dans les 5 paraboles, il y a une seule parabole qui est interprétée. Celle qui nous concerne maintenant, parce qu'ils avaient des questions comme nous. Ils savaient qu'on serait assis aujourd'hui en train de poser des questions. Lisons le verset 24 d'abord. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Oui. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qui a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, nous déracinions en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. » Mais ramasser le blé dans mon grenier. Amen. Maintenant, explique-nous ce que tu as lu, mon cher. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Non. Gerbe ici, quand on parle de. Comment dire ça? Livret et gerbe. Tout ça. Ta question, c'est quoi? Explique-nous ce que tu viens de lire. Bon, le Seigneur nous fait comprendre ici que. Déjà, d'après l'interprétation qu'il a donnée, que oui. Le champ représente le monde. Attends, tu connais l'interprétation? Bah, je l'ai dit. Bon, Jésus a tort ou il a raison? C'est Dieu, il ne peut pas avoir tort. Il ne peut pas avoir tort. Ok, maintenant, le champ de livre. Le blé représente les enfants de Dieu, le livret, c'est l'un et l'autre qui les a mis. Le blé, c'est Dieu, et le livret, c'est l'ennemi, on va dire. Je veux que tu me dises quand les. Non, quand tu vois ce qu'on va dire, c'est ce qu'il a dit ou n'est pas dit. C'est n'essayons pas de tout les disons parce que tu as dit, c'est lui qui a dit. Ok, okay. Donc on résume. Il y a le champ qui est le monde, donc c'est le monde où nous vivons. La bonne semence, le blé, c'est le fils des royaumes. Et il dit, celui qui l'a semé, c'est qui? C'est le fils de l'homme, n'est-ce pas? L'ivraie, qui l'a semé? L'ennemi. Ok. À quel moment ça s'est passé, donc? Ces choses, ce qu'il a raconté. Non, par rapport à l'interprétation, par rapport à la parabole. Non, parce... non. Il dit par rapport à la parole, la parabole et l'interprétation. C'est-à-dire que l'événement qu'il a d'expliquer là, ça se passe quand? Il dit, quand il ouvre la boucle, quand il a la parabole. La parabole dont il a expliqué, il est question de quand, de quel moment? Par rapport à la parabole. Oui. Depuis la fondation, depuis que le fils de l'homme a planté la bonne semence. Ça, c'est-à-dire quand? La création du monde. À la création. Ok, donc, dans ce cas, ça veut dire qu'à quel moment, donc, l'ennemi a semé dans l'ivraie. À quel moment? Au même moment, justement, où les gens ont a poussé. Je veux que tu m'expliques donc où ça s'est passé alors. Parce que celui qui nous a donné ça, il s'est expliqué. Ça s'est passé où? Est-ce que la Bible nous le dit? La Bible nous dit ça. Hein? Est-ce que la Bible nous dit quand ça s'est passé? Où ça s'est passé? Où est entré le péché? Il, non pas qui a fait entrer, il dit où est entré le péché. Dans la Bible dit que c'est où est-ce que le péché est entré. Je comprends la question. Je veux dire, je crois que pose la question autrement. Dans quel endroit est entré le péché? Dans le monde? Non, ça c'est dans le monde, ça c'est que le péché dans le monde. Dans le corps, on a de vous là dit le commencement, parce qu'il y a un problème qui se trouve. Dans quel lieu? Ou bien si vous dans quel pays? Si tu peux comprendre. Dans le monde, non, le monde. On est dans le monde, non. Ah. Il y a plusieurs endroits. La Bible nous enseigne que le péché a commencé où? Où? Le jardin de Dieu. Mais attends, c'est pas ça, frère. Okay. Les questions que je pose, c'est, je pose exprès. Non, mais justement, moi, je ne vais pas répondre directement comme ça sans saisir la question. Voilà. Donc, en fait, puisque j'ai d'abord posé la question que Jésus, l'événement que Jésus nous explique là, cet événement, si c'est pas ça, tu as convenu que c'est à la création. Et donc, il veut nous expliquer que dans la création, il avait mis des choses qui étaient bien. S'il y a le mauvais, ce n'est pas lui qui a mis. Et il a dit que ce qui est bien là, ce sont ses enfants à lui. Et ceux qui sont mauvais, c'est les enfants du malin. Et il dit clairement que ce n'est pas lui qui les a mis. N'est-ce pas? Ok, maintenant, suis attentivement. Alors, les anges ont demandé qu'on parle détruire ça. Il a dit non, non, non, non, vous pouvez faire erreur. En voulant détruire le méchant, vous détruisez aussi le juste. Parce qu'ils sont tellement mélangés au poids haut, il faut les laisser croître pour qu'on puisse voir la différence. N'est-ce pas? Ça veut dire que, il dit, le mot c'est laisser les croître ensemble. Donc Dieu a voulu laisser que ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants soient ensemble mixés. N'est-ce pas? Donc ça veut dire qu'au milieu de l'homme, sur la terre, se trouvent ceux qui sont des dieux et ceux qui ne sont pas des dieux. D'après ce qui est écrit là-bas, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Les enfants non sont en danger. Si Jésus vient donc, il vient prendre qui? Ses enfants. Comme toi, tu irais dans l'école, chercher tes enfants. Et il avait dit dans la parabole que quel est cet homme qui a 100 brebis et qui, si les gars, une sur la montagne, il laisse les 99 autres sur la montagne et il part. Quand il part, il a pour objectif combien de brebis? Non, je dis qu'il a 100 brebis. Il y a une brebis qui quitte la bergerie et ses gars. La Bible déclare que cette BG-ci laisse les 100 autres, les 99 sur la montagne. Quand il part à la recherche, il part à rechercher quoi? Une seule brebis. N'est-ce pas? Or, il dit que ce sont les brebis de cette BG. Donc, il connaît sa brebis. Ceux qui élèvent les moutons là et haut là-bas savent, ils connaissent leur voix. Ils donnent les trucs. Quand il y a les invités, ils donnent tout le temps le bateau au sol, ils entendent et ils se dirigent. Pas vrai? Donc, quand il part. Quand il prend sa brebis, la Bible dit que quand il prend sa brebis, il trouve la brebis là, il produit la joie plus que les 99 autres qui n'ont pas été égarés. Donc, quand lui, il part, donc, Jésus donne ses paraboles concernant les brebis égarées, c'est ceux qui sont perdus, n'est-ce pas? Et le berger qui va chercher, c'est qui? C'est lui. C'est lui. Or, quand Jésus vient sur la terre pour venir chercher, il vient chercher donc qui? Ses brebis à lui, qui sont égarés parce qu'il a dit qu'il les a semés, on les a mixés avec le péché. Il faut que lui-même, il fait la séparation. Il les met de côté. Pour qu'on puisse frapper maintenant. D'accord? Dans l'œuvre de la rédemption, c'était pour réparer beaucoup de choses. Le péché qui avait été entraîné dans le monde et depuis même depuis le ciel. Et en plus, faire revenir, c'est le moyen par lui de faire revenir les enfants dans le grenier, comme il a expliqué ici. À la fin de la maçon, il va les mettre de côté dans le grenier. Maintenant, la paille, maintenant, on peut les séparer pour les brûler. La paille a voulu pour être paille, mon cher. La paille a voulu pour être paille. La brebis a voulu pour être brebis. Alors, qu'est-ce qu'on peut donc dire maintenant avec l'œuvre de la rédemption et la Bible dont tu disais tout à l'heure, avec tout ce que tu as posé comme question de salut? Bon, par contre, sur les versets qu'on a vus, on peut dire effectivement que toutes choses ont été dessinées d'avance. Amen. C'est dans sa volonté, il a prédestiné toutes choses. Oui. Bon, voilà, c'est un verset qui m'a un peu chiffonné. Donc, du coup, c'est juste deux versets. Hein, oui. Allons-y. Hébreux 4, par exemple. Non, Hébreux chapitre 6, verset 4. Voilà, chapitre 6, verset 4. 6. Ne t'inquiète pas, il les connaît tous. Hébreux 10, verset 26 aussi. Voilà, et Apocalypse aussi, comme le Seigneur disait justement, que tu parles des différentes lettres aux différentes églises. Que si je réponds à toi, sinon. Oui, oui, le chandelier de sa place. Comment tu peux m'expliquer? On va commencer par l'église. On va commencer par l'église d'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, le Seigneur se présente avec sept chandeliers d'or, n'est-ce pas? Dans ses mains. Qui représentent les sept églises. Il dit que, réponds-toi, je prends ces expressions-là, sinon j'ai arraché tes chandeliers de sa place. N'est-ce pas? à moins que tu ne te répands. À chaque époque donc de l'église, ce que je viens d'expliquer ici se trouve en plein là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange entre le bon et l'ivraie. C'est pour ça que Christ a toujours amené la repentance que les gens se séparent. Chaque fois, toutes les églises, il y a toujours, il les reproche la félicitation, sauf l'église de l'Odyssée, à qui il a donné seulement la repentance, la septième église, n'est-ce pas? Maintenant, il dit que les étoiles sont les anges de l'église et les chandeliers représentent l'église. Donc, l'église, ce sont des personnes. Le problème maintenant, c'est que dans l'Apocalypse, il se trouve deux styles d'église manifestées. N'est-ce pas? Tu sais ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il y a l'église apostate et l'église du Christ Jésus. D'accord? Maintenant, il dit, au milieu de l'église, par exemple, dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 23, souvent, vous êtes fatigué? Non. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, par exemple, il dit, ce que je compte de toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel enseigner. Ça veut dire qu'un style des manifestations étaient dans l'église, au point où on a commencé à laisser la femme au milieu de l'assemblée pour l'enseigner. Il dit, séparer cela, parce que dans l'église du Seigneur, ça ne doit pas se retrouver. D'accord, mon cher? Maintenant, voici la chose. Voici la chose. Aucune des églises du Seigneur auxquelles la correction a été donnée ne s'est jamais corrigée. Tu comprends? Donc, il se corrige toujours. L'apôtre priait, par exemple, manger avec les païens avant que l'apôtre Paul ne vienne. Quand l'apôtre Paul lui a fait les reproches, il a changé cela. Pourtant, normalement, les juifs, pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en réalité, le mystère, lui ne saisissait pas le mystère. Quand il a entendu la correction, il s'est corrigé. Dans 1 Corinthiens chapitre 5, l'homme qui vivait à la femme de son père, croyait que, parce que parmi les païens, ça se faisait. Il croyait que dans le corps de Christ, il peut amener cela. Quand l'enseignement est venu au chapitre 7 des 2 Corinthiens, il s'est repenti de telle sorte qu'il ne fait plus cet acte-là. Parce que l'acte de Dieu est saint. Donc tous ceux qui ont reçu la grâce d'être sauvés, même quand ils sont dans l'erreur, n'importe comment Dieu les corrige, ils se corrigent. Et chaque fois, c'est comme ça. Donc, il n'y a aucune église dans la dispensation de l'église qui ira en enfer par la suite des désobéissances. Voilà pour ce qui est de l'Apocalypse. Maintenant, lisons maintenant pleinement Hébreux chapitre 6 maintenant. Allons-y. Je crois qu'il faut qu'on revienne sur cette chose. Je crois que Dieu nous va donner le temps pour qu'on revienne sur le problème de salut. Parce que l'une des choses, c'est que, gardez à l'esprit 1 Timothée chapitre 2. Dès qu'on finit là, ou bien, lisons d'abord 1 Timothée chapitre 2. Il faut qu'on revienne en plein là-dedans. Que le salut, c'est quoi? Vous allez dans la Bible, vous avez plusieurs types de salut. Vous allez dans la Bible, vous rencontrez plusieurs types de salut. 1 Timothée chapitre 2. Vous rencontrez plusieurs types de salut. Vous voyez que le salut vient des Juifs. Un temps, vous entendez qu'il aura des saluts tout simplement pour les gens de sa maison. Vous dites que celui-là n'a eu de salut que ceci. Or, le salut, qu'est la vie éternelle? C'est la personne même du Seigneur Jésus. Vous voyez? Ici, maintenant, le salut représente la vie éternelle, la vie de Christ. Maintenant, chapitre 2 de 1 Timothée, le verset 4 et 5. Prenons le verset 4, ou bien 1 à 4. Tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car ils sont Dieu et aussi. Non, c'est bon là maintenant. D'après ce verset, l'apôtre Paul commence à dire qu'il faut qu'on prie pour tous les hommes qui sont élevés en dignité. Car cela est bon et agréable, à Dieu. Qui veut, on dit, c'est bon et agréable à Dieu. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Le Hébreux chapitre 4 n'est pas compliqué. Le chapitre 6 n'est pas compliqué. Il dit ici que je veux que tous les hommes, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il vient de dire. D'après ce qu'il a dit, il dit qu'on prie. Si on comprend cela, c'est comme si Dieu dans sa dent dans le ciel veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils comprennent la vérité. C'est ce qu'il a dit, non? Prenons maintenant Romains chapitre 9, voilà. Romains chapitre 9. Ça, il faut corriger ça avant d'avancer. J'aurais dit dans un enseignement qu'il y a des pierres d'achoppement dans la Bible placées par Dieu lui-même. Les voilà, voilà, voilà, les voilà. Romains chapitre 9, verset 14 et suivant. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Au moins, ça, tu l'as lu, ça, tu as lu tout Romain, non? Ouais. Voilà, maintenant, lisons verset 14 et en avançant. Car il a dit à Moïse, je ferai miséricorde et qui je fais miséricorde, j'aurai compassion de qui? Encore. Compassion. Oui, continue, mon cher. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc ça dit que ça ne sert à rien de courir. Si Dieu n'a pas fait miséricorde, tout ce que tu cours, tu cours dans le sac. Oui. C'est pas ça. Hein? Continuons. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité un dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. C'est que l'événement qu'il a décidé ici, c'est Exode chapitre 7. Ouais. Il a dit, Moïse, descends, dis à Pharaon, laisse partir mon peuple, voici, je vais enrichir son cœur. Sur le plan physique, quand Pharaon disait non, il pensait que c'est lui qui faisait non. C'est ça, non? Quand Moïse venait vers Pharaon, il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Il dit que tu allais dans le désert, le soleil t'a demandé. Qui est l'Éternel pour qu'il lui obéisse? Tu es fou, c'est dans ta tête. Allez, sors d'ici. Qui faisait ça dans lui? C'est Dieu. C'est Dieu. Et la Bible déclare que Dieu en dit son cœur, il dit pour montrer en lui ma puissance. Donc quand Pharaon est né, Dieu a désigné que tu seras roi. Un jour, tu vas me bloquer. Je vais te traiter pour que les gens me craignent. Pharaon pouvait-il faire autrement que de désobéir? Avançons dans la lecture. Si Dieu fait miséricorde à qui il veut, il en dit si, qui il veut. Regarde-moi dans le cœur. Donc, si quelqu'un en dit si, si Dieu en dit si, il en dit si qui il, il fait miséricorde à qui il, et en clair, tu vois que ça commence à concorder avec toutes les écritures. C'est lui qui fait naître de nouveau selon sa volonté. Et ça vient, tu es sauvé par la grâce. Par le moyen de la foi, c'est un don de Dieu, ça ne dépend pas de toi. Donc tu ne fais pas quelque chose pour avoir le don. Parce que le don, on te donne. Dans ce cas, pourquoi va donner à un, ne pas donner à l'autre? La Bible dit, il fait comme il veut. Continuons la lecture, ce n'est pas encore fini. Voilà. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Stoppons là-bas, c'est là où je voudrais qu'on arrive pour le moment. Alors d'après ce qu'on a lu là, lorsqu'on lit ces passages bibliques, depuis le verset 10 où il a parlé d'Ésaü et de Jacob, il a dit j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. À partir de cet instant-là, ça commence à poser problème. Parce que la Bible explique que cela a été fait avant qu'il ne naisse, pour que ce qu'on ne dise pas que c'est parce que tel a été bon. En fait, la personne même qui a été choisie, quand il est né, il faisait que les mauvaises choses. Alors, il dit que ça, afin que ça ne dépende ni des œuvres, mais c'est celui-là qui dépend toute la volonté, n'est-ce pas? Ici, la Bible nous dit, tu me diras donc pourquoi donc blâme-t-il encore? Et c'est la question qu'il faut poser. Oui, Dieu endurcit. Pourquoi donc il va venir juger les gens afin de temps? Pourquoi? La question est donnée. Mais là, suite la question, tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Je veux que tu me réponds à cette question. Pour qu'on voie ce que 1 Timothée 2 dit. Allons-y. Réponds à la question. La question que l'apôtre peut poser là. Personne ne peut résister à ça. Maintenant, il veut encore réciter encore 1 Timothée 2. Avant toute chose, élevez les prières pour les hommes qui sont élevés en dignité, car cela est bon et agréable devant Dieu, Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté que tous les hommes soient. Qu'est-ce qui résiste à cette volonté? Parce que d'après 1 Timothée 2, c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et ici, qui est-ce qui peut résister à sa volonté? Répondez. Dans ce cas, qu'est-ce qui empêche que tous les hommes soient sauvés? Tu as vu le problème, n'est-ce pas? Voilà. Donc Dieu a ses enfants à qui il donne le salut. Dieu, c'est pas Dieu, c'est simple quand tu commences à dire ces choses. Dieu dans le sens où de comprendre que certaines personnes sont sauvées par la grâce et d'autres. Voilà, non, tout ce que toute personne soit sauvée par la grâce, mais l'autre n'a pas reçu cette grâce. Voilà, d'autres n'ont pas oui, voilà. Reçu la grâce de connaître ce que... Oui, mais comment il va faire? Tant même qui va te réjouir. Tu ne dois pas te réjouir au détriment de l'autre. Parce que tu n'as rien fait pour faire cela. Quand Ésaü, regardez cet exemple. Oui. En fait, quand tu constates cela, ça amène encore à l'adoration du Seigneur. Ça amène encore à l'adoration. Ça montre que tu dois te coucher. Tu dois disparaître. L'adoration du Seigneur, mais je dis aussi que, voilà, humainement parlant, ça fait aussi. Ça fait mal, non? Ça fait mal. Ouais. Non, c'est tout ce que tu peux faire. Quand tu vas finir de faire comme ça, tu ne peux plus rien faire. Parce que tu ne peux pas les aimer plus que Dieu. Voilà. Et même si tu les aimes, tu dis, ouais, Seigneur, s'il a décidé de ne pas le sauver, il ne le sauvera pas de toute façon. Ce qu'il me dit, c'est ceci. Regardons les deux êtres qui sont cités au verset 10, Ésaü et Jacob. Lorsque Ésaü a vu qu'il a été chupé, déchu des droits de naissance, il a pleuré, non? Il a pleuré amèrement. Ça a changé quelque chose. Sa vraie nature a commencé à se manifester par la haine, les rancunes. Vous voyez, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, allons dans le Hébreu, maintenant, chapitre 6, tu poses n'importe quelle question. Toutes les autres questions maintenant, ça veut dire qu'il faut comprendre à la lumière de la pensée de Dieu et de son plan. Toutes les questions. À partir de cet instant-là, toutes les questions se comprennent à la lumière. Parce que personne ne peut résister à sa volonté. Un, il veut que tous les hommes soient sauvés. Deux, il a ses brebis qu'il est venu pour sauver. Trois, donc ça veut dire que tous les hommes-là, sa volonté, c'est que tous les brebis qui sont au milieu dans toutes les sphères soient sauvés. Et ils vont venir. Donc, et rien ne peut pas empêcher cette volonté-là. Donc, quand il dit tous les hommes, ça ne veut pas dire tous les êtres humains sur la terre. Parce qu'il a déjà dit qu'il y a des semences qui ne viennent pas de lui. Un fils qui ne se repent pas. Ses fils vont toujours se repentir. Toujours. Parce qu'il a dit que la volonté du Père, écoute bien encore, la volonté du Père, c'est que tout ce qu'il m'a donné vienne. Et que je le ressuscite. Et il ne se perdra jamais rien. Donc tous viendront. Au courant des siècles, tous viennent toujours. Sinon, on n'a pas compris sa mission. Il a dit, tout est accompli. Bon, moi, je prends un cas. C'est un fils, selon cet enseignement-là. Moi, oui. Je sais, par exemple. Je ne dis pas que c'est le cas. Moi, je sais, par exemple, que bah, voilà, oui. Il était choisi. Je suis né de nouveau. Oui. Donc, je peux vivre la vie que je veux. C'est la conséquence que tu vis depuis que tu veux. Ça pose la question sur ta nouvelle naissance. Parce que la Bible déclare dans Tite chapitre 2, versets 11 à 13, que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifeste. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans cet siècle-ci, dans la pureté, dans la sainteté, en attendant le jour. Donc, la nouvelle naissance, la conscience de la nouvelle naissance nous pousse directement dans la sainteté. C'est ce qu'il dit, je ne donnerai que nouveau. Absolument. Et je le fais maintenant pour mettre la parole en pratique. Voilà, je ne donnerai que du chien. Oui. J'entends ces choses à chaque fois que quelqu'un dit non, si c'est que je suis déjà sauvé, c'est que c'est sauvé, c'est sauvé. Alors, le père, elle a fait n'importe comment. Quand tu vas faire n'importe comment, ça montre qu'est-ce qu'il y a en toi. Parce que chaque personne qui était dans la Bible, quand l'apôtre Pierre s'est rendu compte qu'il était devant le Sauveur, il a dit que Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Il voulait fuir, il dit viens, suis-moi. À cet instant-là, ça s'est terminé avec son. Il ne parlait plus de son péché, c'est terminé. L'apôtre Paul a regardé tout comme la boue, il a arrêté pour Christ. Et il marchait dans. Il dit maintenant que suivez-moi dans cette voie-là, comme je suis aussi Christ. Dans Hébreux 6, verset 4, comment j'explique ça? Je veux que tu lises d'abord à partir du verset 1. D'abord. Lisons verset 1, jusqu'à, parce que le verset 4 commence par car, n'est-ce pas? Il veut que Dieu lui le premier mot du verset 4. C'est non, non, je dis le verset 1 dit quoi? Le verset 1, le premier mot. C'est pourquoi? Oui. Laissant les éléments. Non, non, non, suis attentivement. Le chapitre 4, 6, verset 4 que tu as dit que tu voulais commencer à lire. Ça commence par quel mot? Car. Voilà, car. S'il dit car, il y a quelque chose, il y a quelque chose qu'on a dit pour expliquer cela. D'accord? Commençons dans le plus haut. Non, je commence dans le verset 1. Absolument. C'est pourquoi, oui. Laissant les éléments de la parole de Christ, oui. Tendons à ce qui est parfait, oui. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement dans une mort, oui. De la foi en Dieu, oui. De la doctrine des baptêmes, de l'imposition des morts, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Oui. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Arrêtons d'abord, je veux que tu m'expliques ce que l'apôtre Paul en a dit. Ah mon frère. Ces jours-là, je crois que Dieu va me permettre ces jours-là que je vais d'abord nous saluer que yes, gars, tu nous as jetés sur la terre. Il dit, c'est pour moi, hein, c'est pas pour vous. C'est le temps que tu réfléchis. Le temps que tu réfléchis, il dit mes choses. Il dit, le jour que je vais entrer ces jours-là, il dit que frère, Seigneur, présente, de toute façon, je l'ai déjà vu d'abord. Mais c'est ne pas lancer conversation-ci. Le jour que je vais entrer cette fois-ci, je vais dire, Seigneur, permets-moi de le saluer. Dis-moi comment tu as compris toutes ces choses-ci. L'apôtre Paul. Maintenant. Entre temps, tu as fini la réflexion? Non, je dis bien en temps. Encore, mais c'est quand même que. Réfléchir alors, mais vrai, pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'en réalité, les gens prennent Hébreux chapitre 4, chaque fois le verset 6. Chapitre. Non, non, non, les gens peuvent perdre le salut. Regardez Hébreux chapitre 10, verset 26. Même là, on va y aller. Hébreux chapitre 4, 6, verset 4. Oh, ça commence par car. Quand un mot commence d'abord par car, ou de vous poser des problèmes. Car. Car, il veut dire parce que, c'est une suite logique de quelque chose qu'il a dit. Comprenons d'abord ce qu'il a dit pour avancer là-bas. Laissant les éléments de la parole, donc il y a certaines, il dit, sans même se baser déjà sur la parole, sur les enseignements, sur la doctrine, sur le... Il les a cités entièrement, n'est-ce pas? Il les a cités. Mm-hmm. Tendons à ce qui est parfait. Ok. Tendons à ce qui est parfait. Sans justement citer... non, il a dit, quand on tend ce qui est parfait, il a dit sans faire quoi? Sans reposer de nouveau les fondements. Sans reposer de nouveau. Je peux avancer le mot. Les œuvres mortes. Tu as vu ce que tu, là où tu t'en trouves maintenant par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Là. Renoncement aux œuvres mortes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces fondements sont déjà acquis. Il y a déjà les acquis. Quand toutes ces choses sont là, les acquis, là, quand tous les baptêmes, les potions, les mêmes, le jugement dernier, quand les gens ont déjà assimilé cela, on doit avancer. Mais il ne peut pas dire qu'on va changer ce qu'on a déjà dit. Hein. Parce que ce sont les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Les étapes où on doit passer. Maintenant, on passe à ce qui est parfait. Parce que ceci, on doit assimiler ceci. Donc tu vois que c'est ceux qui sont nés de nouveau vont dans des perfections. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc si quelqu'un veut encore dans les œuvres mortes, on ne doit pas passer le temps à prêcher aux chrétiens que renoncer aux œuvres mortes, renoncer aux œuvres mortes. Ça c'est le B à bas de la prédication. Il y en a plus à savoir dans le corps de Christ. Et parce qu'il a dit que béni soit Dieu le Père de, dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Les bénédictions spirituelles, on les utilise ici sur la terre, pas dans le ciel. C'est ça qu'on doit utiliser. Et alors, le chrétien, chaque jour, ne sortant pas les femmes fraîches d'union, on peut boire un peu d'alcool. Est-ce qu'il peut danser en boîte de nuit, même si c'est un jour? Vous voyez, les questions, le chrétien commence. On devait quitter ce domaine-là pour entrer dans ce qui est parfait. Maintenant, il dit que sans autant poser de nouveau la fondation de ceci. Voilà. Alors, ça veut dire que lorsqu'on avance, il faut qu'on vérifie que les fondations n'ont pas été bougées. Parce que quelqu'un peut entrer dans la perfection dont tu as envie de parler sans que ces étapes aient été traversées. D'accord? Souviens-toi de ceci. On tend à ce qui est parfait. N'est-ce pas? Sans pourtant remettre encore en cause les choses des renoncements, des autres modes. Parce que si tu tends à ce qui est parfait, ou dis que tu veux tendre à ce qui est parfait, il y a un problème ici dès le départ. Quelque chose de faux a été chez toi dès le départ. Tu comprends? Car, allons-y maintenant. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Oui. Stop là-bas. Je veux que tu expliques. Souviens-toi, on a dit car pour expliquer ce qui s'est passé, les différentes étapes que les gens ont traversées. N'est-ce pas? Explique-nous le premier. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés. Ils ont une fois éclairés. Je veux que tu m'expliques. Bon, ou mieux, pendant que tu as de réfléchir, tu poses la question. Dans le verset 4, où est-ce que tu es parti? Où est-ce que tu vous êtes parlé aller voir quelqu'un qui est né de nouveau ou bien qui a eu le salut en Jésus-Christ là-bas dedans? Dans quel verset ça se trouve là-dedans? Non, mais déjà, même, il est impossible que ceux qui ont été éclairés. Oui. Pour être éclairé, c'est la lumière du quoi? Que le Christ est la lumière du monde. Absolument. C'est Christ qui nous éclaire. Il éclaire tout le monde. Voilà, donc ceux qui ont été éclairés, on ne va pas se baser seulement sur ce verset. Non. Pas sur le mot. Donc, quand on suit le reste, on comprend tout ce qu'il s'agit d'un enfant de Dieu. Que s'agit d'un enfant de Dieu? Oui, qu'il s'agit de quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, on dit ceux qui ont été éclairés, qui ont goûté le don céleste. Non, mais t'inquiète pas. Ceux qui sont païens ont droit au don céleste. Tu vois, ici aujourd'hui, on a corrigé une chose, que tout don parfait vient du Père de lumière, chez qui il n'y a point de l'homme de lumière. Il donne le don à n'importe qui. Je te montre un exemple dans la Bible. Oui, on a parlé de Pharaon, on a parlé de... Non, laisse, ça c'est le don spirituel, ça c'est les aspects du don spirituel. Je vais te montrer maintenant clairement le don. Alors, c'est dans Luc chapitre 17. Prends Luc chapitre 17. Ne ferme pas là-bas, pardon. Écoutez très attentivement la Bible là maintenant. Luc chapitre 17. Dès que tu as trouvé, tu me dis. Verset 11 et suivant. Vous en suivez là, ma soeur. Voici les gros morceaux dans le milieu chrétien aujourd'hui qu'il faut chrétien. Il faut balancer ces choses avant d'avancer rapidement. Bon, Jésus se rendra à Jérusalem, passé entre la Samarie et Galilée. Oui. Et comme il rentrait dans le village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ceux qui étaient à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, maître, aie pitié de nous. Ils étaient combien ? Dix. Ils criaient à qui ? Jésus. Que Jésus est ? Continue à lecture. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arrivaient et qu'ils furent guéris. Combien ? Dix. Continuons. L'un d'eux se retourna guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Donc, ça veut dire que tous ont été guéris. Continuons. On dit que c'est un qui s'est tourné. Ouais. Il a vu la guérison se passer. Il revient sur sa part, oui. Revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. C'était un Samaritain. Réaction de Jésus. Jésus prenant la parole dit : les dix n'ont-ils pas été guéris ? Et les neuf autres, où sont-ils ? Regarde-moi maintenant dans les yeux. Donc, nous sommes d'accord que Jésus a dit tous ont été. En fait, il était ici, mais il savait que tous ont été guéris. Mm-hmm. Qui leur a accordé la guérison? Dieu. Ok, bien. Conclusion, qu'est-ce que Jésus dit? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Oui. Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regarde-moi dans les yeux. Quelle est la différence entre ce Samaritain, c'est à l'issue quand il se lève là-bas, et les autres neuf autres? C'est l'autre qui a rendu avec son grâce, qui a reconnu justement. Quelle est la conséquence pour sa vie? Il a été sauvé. Il a été sauvé. Premièrement, il a été guéri. Puis il a été. Les autres ont été guéri. Sans être sauvé. Alors on peut goûter le don de Dieu sans être sauvé. Sans être sauvé. Rentrons dans l'Hébreu. Chaque fois, on va aller dans la Bible, voir ces choses dans la Bible. Non, là, je pense qu'il y a un amalgame. Quel amalgame? Parce que le don en question, c'est pas la guérison, par exemple, c'est une grâce. Un Pierre, chapitre 2, allons-y. Allons-y, 1 Pierre chapitre 2, où nous allons la Bible va la définir. Donc, ce n'est pas à nous de définir ce que c'est que ça. D'accord? Parce qu'en fait, si tu veux définir comme ça, tout ce qu'on obtient de Dieu, c'est par grâce. C'est par grâce. Tout. Parce qu'un don, ça veut dire quelque chose que tu n'as pas mérité. D'accord. 1 Pierre chapitre 2. N'oublie pas, ne ferme pas Hébreu. Si tu as le chapitre 2 de 1 Pierre, lis le verset 1 du chapitre 2. Rejetant donc toutes les malices et toutes les ruses, la dissimulation, l'envie et les médisances, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Oui. Donc que par lui vous croissiez. Alors, tu vois effectivement que on doit rejeter d'abord quelque chose. Puis on désire une chose pour aspirer, pour croître. Continuons. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Stop là-bas. Je veux que tu me dises comment on goûte que le Seigneur est bon, comment on teste pour savoir qu'il est bon. Parce que la conséquence, la chute sera au verset 9. Verset 8 du verset 9. Comment? C'est par rapport aux espérances, c'est par rapport à l'intimité. Ok. Donc, dans mon intimité, je peux tester qu'il est bon. Or, ceci n'a rien à voir avec le fait d'être sauvé. Parce que le fait d'être sauvé, c'est instantané. Mais les autres, ce sont les expériences avec lui. On est d'accord, non? Mais on dit goûter qu'il est bon. Ils ont goûté au don de Dieu. T'as donné plutôt la cerise. À l'autre, c'est la guérison. À l'autre, c'est le songe. À l'autre, c'est de l'accident. La maladie, il a des divers moyens de le faire goûter. N'est-ce pas? Mais il y a une seule façon pour être sauvé. Le salut est en Christ Jésus. Pour tout le monde. D'accord? Donc, goûter du Seigneur, ça ne peut pas être du salut. Voilà. Donc, goûter, ça veut dire avoir une espérance, quelque chose que Dieu t'a donné, qui te permet d'avoir que non, il est testé, il est vrai. D'accord? Alors maintenant, rentrons dans le livre, rentrons dans l'histoire de Luc chapitre 17. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce groupe-ci, 9 personnes, 10 personnes sont allées sur le chemin, sont guéries? Qu'est-ce qui a fait qu'une personne seulement rentre et que ses amis ne le suivent pas? Ah, ça nous revient à ce qu'on a vu précédemment. C'est Dieu, la volonté de Dieu. Bon, maintenant, pourquoi le Seigneur n'a pas proclamé? Nous sommes d'accord également que même étant là-bas, si Jésus proclamait que même les 9 là, soyez guéris, soyez sauvés, ils sont sauvés, même s'ils ne sont pas au courant. Il dit, n'est-ce pas, tu trouvais que ce seul étranger pour venir rendre gloire à Dieu, lève-toi, va, ta foi, écoutons toi attentivement. Remarque, il a été sauvé sans confesser que le Seigneur t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus lui a donné le salut. Et je lui ai dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ça une fois, pas deux fois, pas trois fois. La femme de Luc chapitre 7, nous avons lu dans Luc chapitre 7 aujourd'hui, cette femme qui est entrée, lever les pieds de Jésus, Jésus lui a pardonné ses péchés, il lui a dit que ta foi t'a sauvé. D'accord? Si elle était sauvée, sans que Jésus lui parlait que repens-toi de tes péchés, ni quoi que ce soit, l'action, la présence du Seigneur, je te l'ai amené. Parce que le Seigneur s'est prédestiné. Maintenant, quand il dit ta foi t'a sauvé, elle se lève là-bas, même si tu dis qu'elle est condamnée, elle a fait n'importe comment, Dieu lui a accordé le salut, elle sera dans la vie éternelle. Tu vois ça, frère? Bon, maintenant, je pose la question. Pour le cas des 10 personnes qui ont été sauvées, qui ont été guéries des trucs, tu vois que les 10 ont goûté, non? Les 10 ont goûté, mais un seulement. Je veux que tu me suives à la lumière de Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés et qui ont goûté au don céleste, ainsi de suite, maintenant. Quand les 9 partent, ils vont aller vivre quel genre de vie? Ils sont maintenant bien, non? Ils n'ont plus la lèpre. Ils vont continuer leur vie. Ils peuvent ne plus avoir la lèpre. Ils peuvent même vivre comme ça en santé jusqu'à la fin de leur vie, n'est-ce pas? Ils peuvent même faire des projets, ils sont bénis parce qu'en fait, s'ils lavent leurs habits, malgré qu'ils ne sont pas venus là grâce à Jésus, le même soleil de Jésus va sécher leurs habits. Nous sommes d'accord? S'ils sèment les choses dans leur champ, ça sera abondant. Ils peuvent même faire la fraude, ils réussissent toujours. Mais dès le départ, ils n'ont pas le salut. Mais ils ont quand même goûté le don de Dieu. Ils ont goûté. Hébreux 6. On continue. Verset 4. Oui. Moi, c'est la partie justement qui m'intéresse. Oui. Une part au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, justement, d'après ce que je comprends, c'est qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. C'est qu'ils ont été scellés du Saint-Esprit. Non. Quand la Bible utilise le mot scellé, quand il faut sceller. Parce qu'on est scellé pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 4. On ne peut pas faire ce que la Bible ne dit pas. Tu ne peux pas dire que la Bible veut dire ici scellé, alors que la Bible n'a pas dit scellé. On a dit qu'ils ont eu part au Saint-Esprit. Je vais te montrer dans les gens qui ont eu part au Saint-Esprit dans la Bible. D'accord, mon cher? Éphésiens chapitre 4. Lis-nous verset 30 et suivant. Allons-y. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je regrette que tu me regardes dans les yeux. Tu me dis c'est quoi le jour de la rédemption? Le jour de la rédemption, c'est quelle période? C'est le jugement? Non. Rédemption, c'est pas le jour. Non, la fin du monde ne peut pas être la rédemption. Rédemption, ça veut dire que le jour des manifestations de ce qui s'est passé à la croix. L'enlèvement, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que le jour où on va l'amener, nous enlever pour aller dans sa présence. Donc, le Saint-Esprit est scellé pour le jour-là. n'attristez pas, c'est ce qui écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui a été scellé. Là, dans ce seul verset, il explique le but pour lequel il scelle les gens. Ne l'attristez pas, lui qui vous a scellé, quand on scelle, c'est pour le jour de la rédemption. C'est le passeport pour montrer que tu vas participer à ça. C'est ce que la Bible déclare, il a dit scellé. Maintenant, c'est la même personne qui écrit le livre d'Hébreux. Il connaît le mot scellé, donc il connaît ce que vous avez dit, scellé. Mais Dieu ne peut pas parler par le Saint-Esprit comme il dit n'importe quel mot, n'importe comment, ne dit pas ça n'importe comment. Ici, il dit que ceux-ci ont eu part au Saint-Esprit. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Maintenant, je veux que tu regardes ici, regarde bien attentivement. Nous sommes au chapitre 6. Je veux qu'on rentre au chapitre 4 pour voir quelque chose. Débrouille. Oui, juste débrouille. C'est parce que je sens la fatigue. Je vais te prendre le temps pour développer ceci maintenant en profondeur. Verset 1, allons-y, écoutons très attentivement. Chapitre 4. À partir du verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, oui, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Oui. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. À eux. Donc, l'apôtre nous l'explique, c'est que cette bonne nouvelle que nous, qu'on prêche maintenant sur la terre nous a été adressée aussi bien qu'à eux. Donc, ça veut dire que la bonne nouvelle qu'on prêche n'est pas nouveau. Donc, la bonne nouvelle a été prêchée chez les Juifs depuis le temps de Moïse. On se comprend, hein? Mais explique ce qu'il, continue ce qu'il dit. Continue. Il dit, cette bonne nouvelle, elle nous a été prêchée aussi bien qu'à eux. La bonne nouvelle a été annoncée aussi bien qu'à eux. Oui. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Oui. Parce qu'elle ne pourra pas. Des fois, chez eux. De ceux qui ont entendu la parole. Continue, continue, mon cher. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Arrêtons-nous là-bas. Il dit, nous sommes allés jusqu'au chapitre 6. Mais j'ai dit qu'on rentre ici pour un but. Parce qu'on est sauvé en croyant. Et il explique ici que lorsqu'on croit, on entre dans le repos. N'est-ce pas, mon cher? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, ils n'entreront pas dans notre repos. On a refusé le repos à ceux à qui la parole n'avait pas trouvé la foi chez eux. Et là, on parle des Juifs dans l'Ancien Testament. Alors, je suis sûr, je te pose la question, c'est quoi le repos? Parce que c'est un problème encore dans Hébreux chapitre 6, verset 4. C'est quoi le repos dont la Bible est en train de parler? Tu as réfléchi là-dessus? Ouais, j'ai médité dessus, mais... Bon, on commence à partir du chapitre 2 de Genèse, au verset 7. La Bible déclare que Dieu se reposa le septième jour. Voilà. Quand tu lis ça, tu penses que Dieu est fatigué ou pourquoi il se repose? Ou bien il se couche? Donc, ce n'est pas la fatigue. Et le repos, donc, c'est quoi? Donc, quand il parle de repos, il parle de quoi, selon toi? Selon ta compréhension là-bas? Non, selon le repos en question, Donc, Dieu dit, Michael, j'ai tellement dit que celui-ci soit ou pas aussi fatigué aujourd'hui. C'est pas ça, n'est-ce pas? Maintenant, Matthieu chapitre 11, verset 28, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est la même chose qu'il a déjà dit. C'est qu'il a prophétisé dans la Genèse, il a déjà dit la même chose, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que les gens qui sont devant de Jésus, avant qu'il ne parle comme ça, personne n'a le repos. N'est-ce pas, mon cher? Ça dit personne n'a le repos. Je te pose donc la question. Laissant le repos que Dieu a déjà dit en parabole dans Genèse chapitre 2, restons maintenant ce que Jésus a déjà dit. Il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, Jésus, lui, il parle de quoi comme repos? Qu'est-ce qu'il donne comme repos? Parce que le repos en question, c'est le repos des œuvres, en fait. Dans l'Ancien Testament, le repos, c'est le repos des œuvres, parce que les chrétiens ne travaillent pas par rapport à ces styles, ça va. Donc, en fait, Jésus a dit que je vous donnerai le Shabbat, parce que ce qu'il a prononcé, c'est le Shabbat. Parce que Shabbat, ça veut dire le repos. Ils disent, on fait le sabbat du samedi, le sabbat de la 7e année, ainsi de suite, de haut là-bas. Il dit, je vous donnerai le Shabbat. C'est quoi Jésus en train d'appeler par le repos? Quand tu viens à lui, qu'est-ce qu'il donne? C'est le salut. Le salut pour tous ceux qui croient. Quand on croit, puisqu'on dit que, regarde bien, quand on croit, on est sauvé. Donc tu as le salut. Mais il dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Quand vous venez, il te donne le repos. Il donne quoi? Le repos de l'âme. Et oui, ça, c'est le repos de l'âme. Le salut, quand tu as le salut, le salut vient du Seigneur Jésus, quand tu es cru. La vie éternelle. Donc, le repos, c'est la vie éternelle. C'est ça dont il est question. Quand Dieu dit se repose de ses œufs, il se repose de quoi alors? Moi, je comprends. J'ai dit les sons, c'est que Dieu a dit en parabole. Parce que si j'ai entendu, ça va m'entraîner à expliquer beaucoup de choses avant d'y revenir. Mais si on a dit, le repos dont Jésus a parlé, c'est le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Donc, vous allez lire la Bible, vous allez voir maintenant que le Saint-Esprit a réalité. La vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Ok, donc, ça veut dire qu'après avoir cru au Seigneur Jésus, il accorde le Saint-Esprit pour te certifier que tu es dans le repos. N'est-ce pas? Ok, donc, suis attentivement. Ça a une implication forte par rapport à Hébreux chapitre 6. Alors, il dit, cette parole s'il ne trouva point de foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, nous donc qui avons cru, nous entrons dans le repos. Donc si tu crois de la bonne façon, le Saint-Esprit est pour toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le sceau du répond. Parce qu'en réalité, lorsqu'ils entraient dans le pays des Juifs, enfin, continuons là-bas, on va expliquer effectivement qu'ils n'ont pas donné le repos. Josué ne lui a donné le repos. Allons-y. À partir du verset suivant, Hébreux 4. Donc, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qui dit, je jurerai dans mon collègue, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela que plus. Quoique ses œuvres fussent achevées. Achevées depuis la création du monde. Oui. Quand il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Donc, en fait, si quelqu'un lit la Bible de la bonne façon, ils vont savoir que la Bible en train de dire ici que c'est que Dieu parlait d'abord du septième jour, le jour de repos. Il disait quelque chose qu'il faut comprendre. Donc Dieu ne parle pas du repos où quelqu'un se couche pour se reposer. Ça, c'est pas. Donc il en a parlé du spirituel. Et ici, il va expliquer ce que ça veut dire. Il dit, quelqu'un a dit quelque part, et Dieu se posa le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit, ils n'entreront pas donc, Dieu se reposa. Celui qui se repose de ses œuvres se repose maintenant en Dieu. Puis il dit ici qu'ils n'entreront pas dans mon repos. Donc finalement, ils n'ont pas eu le repos. Il dit, Dieu parle maintenant que, et il se reposa le septième jour, ils n'entreront pas dans mon repos. Puisqu'il y a donc un jeûne toujours, en disant dans, longtemps dans le psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce qu'il a dit. Donc il y a encore un autre jour, donc on peut entrer dans son repos. En disant, aujourd'hui. Car si Josué, c'est ce qui est écrit là-bas, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas donc de notre jour de repos. En fait, nous voyons effectivement que Josué les a fait entrer au pays promis. Et dans ce pays-là, la partie c'est là-dedans, ils ne sont pas allés dans notre pays. Parce que le parcours c'était Égypte, désert, Canaan. Canaan était symbolisant le lieu du repos. Donc le Canaan n'est pas le symbole du paradis, mais le symbole du lieu du repos, qui est le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Canaan. Parce que là-bas maintenant, tu peux défendre ton territoire. À partir de là maintenant, quand tu es dans le territoire, on dit ça, Zabulon est là-bas. Naphtali est là-bas. Là-bas, à partir de cet instant-là, tu défends ton territoire en tant que fils. Tu n'entres pas dans l'héritage. On entre dans l'héritage d'abord. On entre en possession, maintenant on peut défendre l'héritage. Tu vois? Donc maintenant, point d'héritage, point de possession de l'héritage sans être d'abord scellé. Maintenant, ceux-ci donc qui croient, ils ont le baptême du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Et ceux de l'autre côté n'ont pas pu atterrir là-bas parce qu'ils n'ont pas cru de le départ. Donc il y a quelque chose de faussé dans leur marche. Mais ils ont fait quoi? Ils ont mangé des breuvages spirituels qui les suivaient, c'est-à-dire Christ. Ce que la Bible nous explique. Comme tu parlais des expériences qui ont goûté comme pour le Saint-Esprit. Car ils buvaient un breuvage spirituel qui est Christ. Mais tous ne suffisent pas, ne suffisent pas arrivés puisqu'ils périssent dans le désert. Tu vois ça? Le breuvage spirituel buvait. Tous buvaient. Les gens qui incitaient Moïse, qui incitaient Jésus et autres là-bas, ils buvaient sur Christ. Qu'est-ce que tu en dis? Et Christ, le Saint-Esprit. Ils ont goûté au don spirituel, n'est-ce pas? Chapitre 6 maintenant. Chapitre 6. Chapitre 6. Chapitre 6. Et à expliquer ça maintenant, revenons au chapitre 6. Verset 4 encore. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et la pose à l'ignominie. Cinq choses sont dites là-bas pour ces personnes. En fait, c'est catégorie par catégorie. C'est pas que c'est une personne qui a respecté toutes les conditions. Il a fait des choses, il a fait des choses, l'autre a fait des choses. Il est impossible à ceux qui ont une fois été éclairés. Ça veut dire que par la connaissance du Seigneur Jésus. 2 Pierre chapitre 2. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si on va s'arrêter aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 2. On a lu tout à l'heure 1 Pierre chapitre 2. Nous avons 2 Pierre chapitre 2. Du coup, on en parlé là. C'est 2 Pierre. Chapitre 2. Oui. À partir du verset 1, il y a eu. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Stoppons là-bas. On dit qu'il y aura des faux docteurs. Donc dès le départ, on dit le docteur, c'est les enseignants de la Bible. Donc il y aura parmi les chrétiens des faux enseignants. Les faux enseignants sont-ils envoyés de Dieu, oui ou non? Non, c'est pas Dieu qui les a envoyés. Et si c'est pas Dieu qui les a envoyés, qui les a envoyés? C'est Satan. Continuons la lecture. Sectes pernicieuses et qui régnant le maître qui les a rachetés. Stoppons là-bas. On dit, dès le départ, tu dis que c'est, on a dit que ces gens sont les faux docteurs. Et je te pose la question, tu dis que c'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais on dit qu'ils vont régner le maître qui les a rachetés. Comment ils ne sont pas de lui et Jésus les a rachetés? Parce que le maître dont on parle ici, c'est Jésus. Comment il les a rachetés? C'est deux dont on parle là-bas, du chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 22. Parce qu'on va aller au verset 19 et verset 22 là maintenant. Donc, je pose la question, comment il les a rachetés? Pourtant, ils ne lui appartiennent pas. Comment? Comment peux-tu donc expliquer? L'œuvre sur la croix. Donc, l'œuvre sur la croix a été accomplie aussi pour eux. Mais malgré cela, ils sont envoyés du diable, n'est-ce pas? Ok, mais comment celui-ci commence à enseigner? Suis attentivement. Comment celui-ci commence à enseigner les choses de Dieu? Ils sont pleins parmi nous, non? Mais c'est comme la dame qui avait juste qui était animée d'un esprit de Python, non? Oui. Des choses qui sont bien, non? Voilà. De Jésus. Voilà. Et or, il explique les choses qui sont vraies. Verset 19, 20, 21 et 22. Il leur promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qu'il a triomphé de lui. Oui. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur de Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Tu as entendu ça, frère? On parle de qui ici? Les faux docteurs. Les faux docteurs. Bon, il peut changer alors. Quelqu'un qui est faux peut devenir vrai, hein? Bon, s'il avait été envoyé par Dieu, non? Non, parce que quelqu'un qui a été envoyé par Dieu peut être faux. Donc, je pose la question donc bien. Est-ce que si un faux docteur peut changer en vrai? Le frère, parce que il semble que c'est vrai. Moi, j'ai d'autres questions en même temps, justement. Ça, non, ça à moi, ça me ramène à Balaam. À Balaam. Oui. Alors, Balaam, c'est un faux prophète, frère. Non, c'est pas un faux. Alors, c'est un vrai, dans ça ne se pose pas. Il ne peut pas changer mais pour être faux. Il était corrompu. Non, ça, la corruption ne fait pas qu'il soit faux. C'est pas le problème là-bas. Tu vois, il y a un problème là-bas. Tu vois, si tu peux prendre comme ça, Moïse lui-même était faux parce qu'il était meurtrier. Était magicien. Oui. Suis attentivement. Moïse est différent. Non, quand Moïse est différent, chacun a son lot. Dans le péché, chacun a son lot. Lui, c'était la commission, c'était l'argent. Moïse était un meurtrier, était un magicien. Il y a un peu plus grave que pire comme machin. Le collègue, avec sa collègue, il tue les gens, fait que les gens boivent le truc. Jacob, lui, c'était l'usurpation. Il te frappe à gauche, il te frappe à droite. D'accord? Donc, si c'est sur cette relation-là, si c'est sur cette base-là, tu vas en trouver partout. Mm-hmm. L'apôtre Paul était un blasphème. Il poussait les gens à blasphémer. C'est pas ça, hein? L'apôtre Paul. Alors, si c'est sur cette base-là, pour Balaam, Balaam était un serviteur de Dieu. Il a donné même la prophétie même à Israël par rapport au Messie. Pas vrai? Il dit que c'est l'homme qui se courbe et ses yeux s'ouvrent. Et ce n'est pas Satan qui lui parle, c'est le Seigneur. Les faux prophètes, dans le livre de Jérémie et dans 1 Samuel, chapitre, dans 1 Roi, chapitre 22, c'est un esprit de mensonge qui parle dans la bouche de ces prophètes-là. N'est-ce pas? Lui, c'est le Seigneur lui-même qui lui parle. D'accord? Donc maintenant, c'est autre chose. Donc Balaam n'est pas un faux. C'est pas parce qu'il a fait ça qu'il est un faux prophète. C'est pas ça qui caractérise les faux prophètes. Le faux, c'est sa nature d'abord. D'accord? Donc on peut être trompé par la nature humaine, par les œuvres de la chair sans être faux. C'est autre chose. Donc je pose la question. Est-ce qu'un faux biais? Parce que le faux biais, par exemple, quand tu prends le faux biais, tant qu'on ne détecte pas, tu achètes des choses avec. Donc tu fais des choses avec le faux biais. Mais le jour qu'on attrape, à cet instant-là, ça ne peut plus rien agir. N'est-ce pas? Alors donc, est-ce que le faux biais donc peut devenir vrai? Donc, mais le problème est que le fait que tu achètes quelque chose avec, on prend toujours, ça ne veut pas dire que ça soit vrai. Parce que sa nature, c'est faux. Parce que quand tu donnes à un client, tu es prêt à mettre le pied au point. Si on dit que c'est faux, tu cours. Mais parce que tu sais que c'est faux. Donc, même quelqu'un qui est vrai, quand il fait le faux, il sait que c'est faux. Parce qu'il ne doit pas être là-bas. Dieu corrige. Et un faux, donc, va essayer d'imiter plutôt les œuvres du vrai. Et le vrai ne peut pas devenir faux. Le faux ne peut pas devenir vrai. Donc, en réalité, les gens, si. L'apôtre Jean-Pierre explique ici que car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ça veut dire qu'il y a des caractéristiques que même si celui-ci fait n'importe comment, il ne peut pas changer ça malgré qu'il a été racheté à la croix. Or, Christ, lui, il affranchit ses fils pour qu'ils soient réellement libres. Les fils du Seigneur n'ont aucune captivité qui va les retenir sur la terre. Aucune. Mais ceux-ci, ceux-ci peuvent aller à l'école théologique. Ils apprennent des choses sur le Seigneur. Ils disent waouh. Prenons un exemple. Actes chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Celui-là, il a l'énergie. Donc, depuis le matin, comme ça, il fait quoi comme ça. Courage ma soeur, il comprend pourquoi tu dis que tes muscles et tes hauts vont casser. Actes des Apôtres chapitre 1. On y va. Verset 15 et suivant. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies était environ 120. Oui. Oui, continue jusqu'à ce qu'il dit stop. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance, par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont blessé, de ceux qui ont saisi Jésus. Oui. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Stop. Il avait part au même ministère. Quel ministère? Apôtre. ministère d'apostolie. Donc il accomplit, c'est les miracles. N'est-ce pas? Ressusciter les morts. Prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle. Par quelle puissance? C'est du Seigneur. Continuons. Cet homme ayant acquis un champ avec le Seigneur du crime, est tombé, s'est rompu par le mur du corps et tous ses enfants se sont retournés. Oui. La chose a été ainsi connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Adel Kaba, c'est-à-dire le champ des sangs. Regarde maintenant. Judas a eu part au même ministère. Il a goûté aux promesses de Dieu. Il a eu part au Saint-Esprit. Mais où est-ce qu'il est tombé? Est-ce qu'il était scellé? Jésus dit que c'est pourquoi celui qui me livre à vous commet un grand péché. Qu'est-ce que Judas a fait de spécial pour commettre un grand péché au point où il ne peut pas être pardonné, au point où la Bible dit même que s'il prie, que sa prière soit le péché. Qu'est-ce qu'il a fait au juste? Parce qu'il faisait la même chose que les apôtres faisaient. C'est clair là. Quand on les avait 2 à 2, il ne partait pas. Quand l'autre prieur, au nom de Jésus, chasse le démon, lui ne dit pas qu'au nom de Satan. Quand il les a envoyés, il a dit que dites, le roi monsieur est descendu vers vous, repentez-vous. Donc lui, il prêchait la repentance, accomplissait les miracles. Jean chapitre 11. Il te montre seulement ce que Hébreu 4 en lui dit. Et souvenez-vous, chaque fois que vous allez lire Hébreu 4, chapitre 6, verset 4, lisez verset 1 jusqu'au verset 3 d'abord. Jusqu'à ce que vous ayez assimilé cela pour voir ce qui est parfait. Parce que ce qui est parfait ne peut pas être corrompu. Satan ne peut pas prendre ce qui est parfait. Parce que c'est parfait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est arrivé à l'accomplissement. Jean chapitre 11. Verset 45 et suivant. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus. Ça, on parle de la résurrection. Donc, en toile de fond, se trouve la résurrection de Lazare. Et plusieurs Juifs qui sont venus donc, et qui ont vu ce que Jésus a fait, sont venus continuer. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens. Non, regarde encore. Le verset 45 dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Donc certaines personnes parmi le groupe là-bas, il y a des gens qui ont vu la résurrection de Lazare, ils ont vu la mort. Ils étaient dans la maison de deuil, en train de pleurer. Ils sont allés au tombeau. Jésus a dit enlever la pierre. Eux étaient là, Jésus n'était pas là. Ils ont atterri pendant 4 jours. Il a dit, oh, il sent déjà, il va sentir la foule. Il dit que ne t'ai-je pas dit, si tu crois que tu verras la gloire de Dieu, on verra la foule. Il dit, Lazare sort, il est sorti. On délie le. Malgré cela, certaines personnes ont cru. Certains n'ont pas cru. Ça pose problème. Et le problème est résolu déjà depuis, n'est-ce pas? Mais avançons. Maintenant, le problème, c'est au niveau de catégorie de personnes, quand ils ne vont pas croire, ils vont aller raconter une histoire. Allons-y. Verset 46. Les d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire oui. Ce que Jésus avait fait. Continuons. Ça va poser une décision maintenant finale. Allons-y. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin. Ah, répondez d'abord là-bas. Les principaux sacrificateurs et les Sanhédrin, ils servaient qui? La loi, oui, mais c'était qui? C'était qui? Ils savaient qui? C'est vrai, ça va être. Ils avaient la loi, non? Qui avait donné la loi? Moïse. Qui savait? Ils savaient donc qui? Dieu, Moïse. Dieu. Alors, comment tu as pu le dire, frère? Les semaines sacrificateurs savaient qui? Dieu. Continuons. Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Oui. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront nous détruire. Et notre ville et notre nation. Continue. L'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur. Stop. Cette année-là. Le souverain sacrificateur cette année, c'est celui qui coiffe, c'est celui qui offre le péché pour le peuple. Donc ça veut dire que c'est lui que Dieu connaît comme celui-là qui doit avoir le droit d'onction à ce moment-là. L'un de Caïphe qui était souverain sacrificateur cette année-là, qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas. Qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Tu entends ce qu'il dit? Continuons. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Regarde-moi bien dans les yeux maintenant. Il prophétait pour qu'on tue quoi? Pour qu'on tue qui? Du Jésus. C'est normal qu'un être humain pense qu'on tue son voisin. Non. Encore moins le Messie. Bon, on dit étant souverain sacrificateur, il prophétisa. Donc, on dit, et la Bible va plus loin en disant, il ne dit pas cela de lui-même. Donc, il pensait que c'est lui, que c'est son idée. Je pose la question qui parle au travers de lui. D'où? Le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord. Mais est-ce que Caïphe est sauvé? J'ai pris exprès les gens que Dieu a utilisés. J'ai pas pris Actes d'après chapitre 16 que c'est le Python qui parlait. Ici, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de lui, sans qu'il n'ait ce Saint-Esprit. Mais il a de prophétiser par le Saint-Esprit. On dit qu'il ne parlait pas de lui-même, que ce n'est pas son idée. Donc c'est Dieu qui a de parler au travers de lui pour aller faire du mal. Un mal qui est dans la volonté de Dieu. Voilà Judas qui a fait exactement ça. Même l'argent qu'il a vendu, il n'a pas profité un seul. On a encore servi cela pour acheter le champ pour les étrangers. Il allait en enfer comme ça. Mais il guérissait les malades. Il prêchait la vraie. Là, il ne prêchait pas les fausses doctrines. Prospérité, il ne prêchait pas ça. Il avait sa stratégie. Quand on connaissait l'argent, il volait sa parole. Non, il ne prêchait pas contre cela. Donc maintenant, il prêchait la vraie parole. Les gens entraient dans le royaume des cieux. Si on passe là, voilà donc pourquoi la Bible déclare qu'ils exposent pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Il n'y a point de repentance pour eux. Parce que les fils sont scellés pour toujours. Ils ne peuvent pas être enlevés de la main de Dieu. Donc on ne parle pas de baptême du Saint-Esprit nulle part dans Hébreux chapitre 16, verset 4. Si encore quand tu rentres au chapitre 5, tu vas voir quoi, ce qu'il en a dit là-bas. Il dit que vous qui devez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Alors que c'est vous qui devez enseigner ces choses. On passe à un autre verset encore, devant toi. Chapitre 10 maintenant, il va. Ou bien. Il dit, on part encore dans chapitre 10, verset. Chapitre 10 fait état de ces mêmes choses ici. Oui, toujours hébreu. Attends. Ou bien c'est moi qui donne le verset pour me défendre encore. Bon, n'allons pas là-bas. Donc en fin de compte, il y a des gens que Dieu va se servir pour les envoyer en enfer par la suite. Qui va se servir pour sa gloire. Pour les envoyer en enfer, comme il a fait pour Pharaon, comme dans Romains 9, on a lu. L'écriture dit à Pharaon, j'étais suscité à dessein. J'étais suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et il conclut le chapitre 9 là en disant ici qu'il a formé, il y a des vases d'honneur qui sont formés pour la vie et les vases. Et tu remarques encore que dans cette image là, ça suppose qu'il y a deux styles de vases qui ont été faits et l'une des vases est faite pour un objectif et l'autre pour un objectif. La Bible déclare dans Hébreux, dans Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a un dessein qui appelle ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Afin que son fils puisse le premier né d'entre plusieurs frères. Amen. Question. Oui, comment connaître la différence entre le fils et l'esclave? Entre le fils. L'esclave. Le fils connaît ses droits. L'esclave ne connaît pas ses droits, il demeure esclave. L'autre là, c'est aussi simple dans la parole. Ça dit quoi? Je crois que beaucoup des chrétiens sont encore sous le joug de l'esclavage. C'est-à-dire que le joug de l'administrateur. Vous ne pouvez pas entrer dans l'état de fils. Et j'ai parlé de ça tout à l'heure là, en parlant de l'héritage de Canaan. Quand ils entrent à Canaan, ils peuvent défendre leur territoire. On se comprend. Donc, tu vois, les promesses, même si le juif reste dans le désert, de l'autre côté, il n'a pas encore traversé la mer. Il dit, je prends par la foi Zabulon. Je prends le territoire de Neftali, les Bachéba par la foi. Il faut qu'il traverse la mer pour y aller. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, le fils, là-bas, tant qu'il essaie de confesser, le territoire est annexé par les Cananéens. C'est annexé par les Cananéens. Il faut qu'il ne prenne possession. Quand il prend possession, et c'est ça les promesses du Seigneur. Les promesses du Seigneur sont prises par confession, par la foi. Et maintenant, tu la possèdes. C'est parce que c'est ce que je dis. Aucune des promesses de Dieu ne sortit autrement. C'est comme ça qu'on le sait, ces promesses-là. Alors, ça veut dire que la promesse est rendue réelle pour toi par le Saint-Esprit. Maintenant, tu peux manifester maintenant tout ce qu'il en est. Là, maintenant, tu sais maintenant qui tu es. C'est pour ça que les chrétiens sont rendus minimissimes comme ça. Là. Le Seigneur dit que ce n'est pas l'Église que les dimensions de l'Église vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Le chrétien, encore maintenant, vous voyez, le chrétien dormant la nuit, il ne dort pas, il est obligé de faire les nuits de prier parce qu'il a peur des démons. Or, la Bible déclare que ces démons sont sous ses pieds. Le voilà qui est en train de dormir. Alors, si tu connais qui tu es, en connaissant par le Saint-Esprit de la promesse, que c'est réel, par la catégorie qu'on se fait mentalement, que tu connais qui tu es, tu dors. Il dit, je m'accouche, je m'endors. Parce que l'Éternel est mon œil. Là, maintenant, il te garde. Tu comprends bien, ça, sœur? Et ceci, c'est pour le Saint-Esprit. Question. Parce qu'il faut aussi être chrétien avec la parole de Dieu. Il monte la parole de Dieu. Parce que on va prendre Galates. Galates, oui, Galates chapitre 4, c'est là il vit. Hein. Voilà. Oui, non, ça tu connais déjà, non? Galates chapitre 4. Parce que vous êtes fils, c'est pour ça que le Seigneur a donné quoi? L'esprit de son fils dans ton cœur par lequel nous crions Abba Père. Donc c'est pour ça que le départ c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit vienne. S'il vient, tu peux maintenant crier Abba Père. Tu peux réclamer donc tes promesses. N'importe quoi. Tu peux entrer en possession. Départ c'est le Saint-Esprit. Autre chose. Et quand nous avons commencé, il n'y a pas eu la définition du salut. Il y a la définition, c'est non. En fait, j'ai dit il y a plusieurs saluts dans la Bible qu'il ne faut pas confondre. Parce que je vais prendre quatre saluts maintenant qui se disent des choses différentes. Oui. D'accord. Oui. Voilà. On y va. Et je vais comprendre quelque chose par rapport au salut. Parce que c'est très important puisque on partage avec vous frère, parce que ce n'est pas question clé maintenant. Par rapport au salut, sincèrement, c'est. Attendez un peu. Donc, enfin, le temps que tu viens de chercher. C'est ça. Ok. Et parce que je voulais connaître, parce que ici, quelle est dans la Bible l'origine hébreu du mot salut? Bonne question. Et quelles sont ses significations? Bon, voilà. Ça va? Oui. Et c'est ça d'abord que je vais poser comme question. Voilà. Quelle est la signification du mot hébreu oui. dans la Bible? Oui, qui veut dire salut? Salut. Parce que quand nous voyons bien, le salut est utilisé dans cinq. Ça, c'est en français. Oui. En français, ça, que tu dis. Oui. J'ai vu ça dans cinq passages. Où ça quel premier passage? Dans Matthieu. Oui. Je vois dans Matthieu 18:11. Oui. Parle de la colère de Dieu. Oui. Même pas de la colère de Dieu. Oui. Romains 5, verset 9, l'abstination dans l'ignorance spirituelle. Le manque de connaissance. De connaissance, oui. Le Seigneur nous parle de ça. Osée 4, 6. Oui. Nous parle de cela. Oui. Et nous voyons bien ici là que une partie de ça, c'est une fausse. Moi, j'ai lu ça en français. Oui. En français. Et en français, quand tu dis en français, tu comprends quoi derrière? Je comprends que le salut est une puissance. Oui. L'évangile, c'est ça, oui. L'évangile, de par la puissance de l'évangile. Oui. C'est la délivrance. Oui, mais je veux qu'on lise deux ou trois passages d'abord, d'accord? Prenez la Bible. Vous êtes fatigué? Moi, je ne suis pas fatigué. Ok. Lisons. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Verset. Actes des Apôtres, chapitre 13. Vous y êtes tout le monde déjà. Lisons à partir du verset 14. Verset 14. À 49. Vous pouvez lire comme ça. On y va, frère. Vous pouvez lire. Verset 14 à 49. Non, quel chapitre? Le chapitre 13. 14 à 49. Les pergers poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche. Vous voyez, est-ce que celui-ci se trouve là-bas? Chapitre 13. Oui, chapitre 13. Verset 14. Verset 14. Oui, c'est ça. C'est ça, non? Acte chapitre 13, verset 14. Oui, c'est moi qui vois mal dans ma Bible aussi. Verset 44, mince. Oui, tellement écrit les choses là-dessus. Chapitre, verset 44. C'est quand même terrible ça. Le sabbat suivant, oui. Suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Oui. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Oui. Paul et Barnabas le dirent avec assurance. C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez, et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers le Père. Écoutez, verset 47, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Stoppons là-bas. Donc, nous voyons dans ce verset 47, la partie elle dit, le Seigneur leur a ordonné, j'étais établi pour être la lumière des nations et pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, l'apôtre Paul a dit, ok, il a prêché aux Juifs, ils ne font que l'insulter. Il dit, comme vous vous jugez indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Parce que le Seigneur nous a dit, la lumière est censée aller jusqu'aux extrémités de la terre. Nous portons le salut voyez ça, nous portons le salut. Nous portons le salut. Il porte le salut pour aller à les extrémités de la terre. Là, maintenant, le salut, il représente quoi? Ici, dans cette verset, parce que en français, on voit salut. Et dit, la Bible déclare, les païens se réjouissaient, verset 48, en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. Il est censé se tourner vers les païens, mais pas tous les païens. Il dit ceux parmi les païens qui étaient destinés pour la vie éternelle crurent. C'est ce qui est écrit là, non? La parole du Seigneur s'est répandue dans tout le pays. Donc ici, le salut veut dire la parole du Seigneur. Vous avez vu ça, la bonne nouvelle. Donc ici, donc, où est-ce qu'on n'a pas besoin de la définition en prenant le dictionnaire pour mettre là-bas que salut veut dire quoi? C'est que tu vas te perdre. Parce qu'ici, le salut veut dire la bonne nouvelle. Et c'est la bonne nouvelle qui amène donc le vrai salut. Maintenant, allons dans le livre de Luc. Mais gardez Actes des Apôtres, parce qu'on va y revenir là rapidement, juste après ceci. Actes des Apôtres, j'ai dit, nous sommes Actes des Apôtres là, n'est-ce pas? Il dit, gardez le gars de ça. Allons dans le livre de Luc, au chapitre 1. Ou bien, on va lire Luc chapitre 2. Ou Luc chapitre 2, oui, prenons. Non, prenons chapitre 1 de Luc. Oui, on va lire le chapitre 1 et puis on va lire le chapitre 2. Verset 67 et suivant. Zacharie et son père furent remplis du Saint-Esprit et prophétisant ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité une puissance au nord dans la nation de David, son Seigneur. Dans la maison de David, oui. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Mmh. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Mmh. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Oui. Le serment par lequel il avait juré à Abraham. Oui. Alors, chapitre 2. Chapitre 2. Là, au chapitre 2, il est question maintenant de Jésus comme présent au temple. Un monsieur qu'on appelait Simeon. Lisons, à partir du verset 25, déjà. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Oui. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Oui. Il vint au temple, poussé par l'Esprit et. Comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce corps de la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses son serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Oui. Là, mes yeux ont vu ton salut. Stop. Ses yeux ont vu quoi? Ici, on voit le salut encore. Ici, le salut, c'est qui? C'est Jésus. Là, on parle de Jésus. Donc, le salut dans la Bible peut dire, peut vouloir dire Jésus ou bien la bonne nouvelle. Parce qu'en fait, la bonne nouvelle le concerne en quoi en réalité? Donc, c'est celui-ci, ce salut-ci, que quand il est donné à quelqu'un, il ne se retire plus. Parce que la bonne nouvelle qu'on prêche, c'est la nouvelle du salut. Donc, nous avons vu déjà deux passages. À chapitre 13, donc, où le salut veut dire bonne nouvelle. Et si on dit, Simon, quand il a porté entre les mains, il a vu que le salut, il dit, mes yeux ont vu quoi? Quand mes yeux ont vu quoi? Ton salut. Puis il dit, verset 31. Salut que tu as préparé devant tout le peuple. Donc, le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Parce que la Bible déclare que c'est lui que Dieu a destiné pour être pour l'objet, pour ceux qui croiraient, l'objet de leur salut. Verset volet suivant. Donc la façon qu'on appelle salut est appelée lumière. Pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. On peut lire le chapitre 28, verset 28. C'est plein dans la Bible. Donc en définitive, on ne peut pas dire, quand quelqu'un dit d'abord que on peut perdre son salut, ça pose problème. Parce que quelqu'un n'a pas son salut. Il n'y a qu'un seul salut pour chacun. Le chapitre 4 des gens, quand Jésus parle à la femme samaritaine, il dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas et nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Quand il dit le salut vient des Juifs, parce que l'initiative de la loi de sauver devait passer par les Juifs. Dans Ésaïe chapitre 42, qu'il avait cité, chapitre 46, chapitre 49, il avait destiné que la loi de lui sortira, la loi d'Israël, va sortir la loi qui va éclairer les nations. Parce que le salut est censé venir là-bas. Donc Jésus étant là, en train de parler de l'objet du salut du monde qui était là. Et il était lui-même en personne là-dedans. Donc, le problème du salut est un peu comme le problème de l'âme. Dans la Bible, l'âme peut certifier, peut être la partie de l'être là qu'on appelle âme. Ça peut vouloir dire la personne. Ça peut vouloir dire le cœur. Ça peut vouloir dire la pensée de la personne. Ça peut vouloir dire maintenant l'esprit. Les différentes définitions du même mot qu'on appelle âme dans la Bible. Donc quand tu vas dans la Bible, tu vas voir que l'homme devient une âme vivante. Tu conclus que non, l'homme c'est l'âme. Et quand tu vas lire maintenant dans le Lévitique chapitre 17, on va dire maintenant l'âme de tout chair est dans son sang. L'homme est dans le sang. Est-ce que l'homme est dans le sang? Donc ça dit qu'il y a un problème, n'est-ce pas? Donc ça dit que l'homme ne peut pas être en même temps celui qu'on voit et en même temps il est dans son sang et à l'intérieur de lui. Et, tu vois, après il est de je crois qu'il va falloir qu'on arrête pour aujourd'hui là. Il a des sifflets à 8 ans là. Et oh, tu vas encore lire un truc. Il dit qu'on arrête, qu'il est fatigué de nous. Donc maintenant, vous allez encore lire un truc. Non, assieds-toi. David, viens. Il va encore lire un autre endroit où on va dire que mon âme est troublée à l'intérieur de moi. Donc maintenant, ce n'est plus le sang qui est troublé. Il c'est son âme qui est trouble. La Bible déclare maintenant, où tu peux lire dans Actes, Apocalypse chapitre 6, verset 9. Lorsqu'il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de la parole des témoignages qu'ils avaient rendus. Ils criaient d'une voix forte, Seigneur, jusqu'à quand tardes-tu des jeux dont l'âme parle. L'âme crie vengeance et l'âme se trouve quelque part. Donc ça commence à poser problème. C'est même comme ça avec le salut. C'est comme ça avec le salut. Même le Saint-Esprit, c'est un problème dans la Bible, dans l'écriture que vous lisez. Il y a des endroits où vous lisez le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne veut pas dire la personne du Saint-Esprit. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il est bien. Comme par exemple dans ce livre de Luc, nous avons lu le maintenant. On dit que ce Simon-là avait été averti, divinement averti par le Seigneur, qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il dit qu'il vient poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui le guidait pour aller vers le temple. Mais on dit que l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit Saint était sur lui, ce n'est pas la personne du Saint-Esprit qui était sur lui. Voilà, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette personne qui vient entrer. Or, c'est l'Esprit Saint qui est utilisé, ce n'est pas la personne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il faut, quand on lit la Bible, il faut faire attention. Le salut dans la Bible est utilisé à plusieurs endroits. Dans un autre endroit, salut veut dire la salutation. On dit par exemple, si quelqu'un vient à vous, il n'a pas cette doctrine-là, il ne lui dit pas salut. Pourtant, ça s'écrit de la même façon. Donc, il faut faire attention donc, quand on lit. Le salut donc, qui veut dire la vie éternelle, c'est la personne du Seigneur Jésus. Et c'est elle qui vient chez quelqu'un pour demeurer pour toujours. Dans le livre de Luc chapitre 19, lorsque le Seigneur va dire à Zachée que c'est chez lui qu'il va dîner aujourd'hui, il a fini de donner la nourriture manger là-bas. Zachée s'est levé. Le chapitre 19 de Luc. Il dit, oh Seigneur, si il fait du tort à quelqu'un, je n'irai pas. Jésus a dit qu'aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Parce que celui-ci était aussi un enfant d'Abraham, un fils d'Abraham. Il dit, le salut est entré dans cette maison, c'est maintenant. Ça veut dire que la voie de la rédemption y est venue. Or, c'est lui qui est le salut, le fait du salut. Amen. Amen. Et on voit bien dans ce passage de 19 là. Jéricho, il est entré dans la ville de Jéricho. Et on nous voit bien qu'il y avait la foule. La foule. Et sont les sont les juifs tous. Jésus ne vient pas pour la foule. Pour la foule. Il vient toujours pour une personne. Il pipe une personne, il pipe ses enfants à lui. Et tu vas voir dans ce passage, ça nous enseigne quoi? Zachée était là dans la foule avec sa petite Daï. Il y avait des obstacles. Mais le Seigneur l'a localisé. Parce que tu es trop forte. Hein. Salut-moi. Le salut, si ce n'est pas le salut de la Bible, non. C'est salut normal. Est-ce qu'on peut épuiser toutes les questions? C'est possible, ça? Vous pensez? Non, c'est pas possible. Baissons la tête d'en prier. Parce qu'il y a des grandes choses là qu'on nous touche. Baissons la tête de prier. Que Dieu vous bénisse. Mais on a quand même mangé beaucoup, non? Oui, on a mangé. Pas les frères. On a bien mangé, non? On a mangé. Prions alors, prions. Remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce pour ces moments merveilleux passés en ta compagnie. Merci Dieu de gloire pour tes réponses concises, précises et qui réjouissent notre âme. Seigneur, nous sommes, ô Dieu de gloire, très souvent confrontés à des vérités qui peuvent nous blesser, mais qui sommes-nous pour s'opposer à toi? Je te remercie, Père de gloire, pour ces choses que tu éclaires dans notre vie, pour que nous t'adorions et que nous te servions avec efficacité. Et je prie Dieu de gloire que tu nous conduises toujours dans la vérité comme tu as promis dans ta parole. Et prie que tu nettoies ce qui n'est pas de toi dans nos cœurs et de nos vies, chacun de nous ici, et de tous ceux qui nous écoutent dans le monde entier, et tout ce qui n'est pas de toi, et que tu établis ton règne dans notre cœur, dans notre âme, dans notre esprit, afin que nous t'appartenions corps, âme et esprit, totalement jusqu'à ta venue. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.